30 millions. 40, voilà. 40 millions, mais j'appelle le Guinness Book. N'hésite pas à me cracher dessus. On lance l'appel sans filtre. Vous ne passez même pas par le standard. Là. Si vous appelez le 01 42 48 5000, vous êtes directement à l'antenne, comme Héloïse, qui est la première à passer ce soir. Bonsoir, Héloïse. Coucou, ça va? Ça va, Héloïse, on t'écoute. L'antenne est à toi. Alors, en fait, j'ai une amie qui s'appelle Margot qui m'a demandé des conseils parce qu'elle va se mettre en couple avec quelqu'un. Mmh. Et vu que je vous écoute souvent et que moi-même, je suis en couple avec quelqu'un, mmh. J'ai joint les différents conseils et j'ai essayé de lui répondre, mais je suis pas sûre que je dois... Mais c'est quoi le conseil que tu lui as donné? En fait, elle m'a posé beaucoup de questions. Oh là là, alors attends, coup, rapide, Héloïse, parce qu'il y a beaucoup de monde sur Appel sans filtre. C'est quoi la question principale? Elle a peur qu'elle soit jalouse et que lui aussi, et que, en fait, elle fasse des crises et tout ça. Mais ça fait partie de la vie, ça. La jalousie, ça peut être sain s'il y en a un tout petit peu, mais sinon, il ne faut pas faire des crises pour un rien. C'est ça qu'il faut lui dire. Mais oui, Héloïse, il faut lui dire de se laisser aller. Elle se pose trop de questions. Il faut se jeter dans la gueule du loup. Il faut faire confiance aussi. Oui, mais c'est ce que je lui ai dit, mais elle a peur que lui aussi. Mais non, mais et lui, il va s'adapter à elle. Si elle est jalouse, qu'elle n'a pas confiance, qu'elle est stressée, forcément, il y a effet miroir, il le sera aussi. Alors que si elle est détente et qu'elle fait tout pour que ça aille, lui, il sera dans le même délire. Et puis, Héloïse, dis-lui, j'ai appelé Mario et Enzo, elles y croient, elles ont confiance, d'accord? Pas de jalousie. Est-ce que je peux juste faire une dédicace avant de vous dire au revoir? Vas-y. Alors, du coup, je fais une dédicace à Margot, à Mayuen, Lily, Lilia, tous ceux qui me reconnaîtront. Et à mon copain, Jérémy. Eh ben, on embrasse tout le monde, Héloïse. Merci de nous avoir appelé, mon chat. On t'embrasse bien fort. Il y a Isabelle aussi. Bonsoir, Isa. Salut, les filles. Isa, bienvenue, on t'écoute. Ok, donc, je voulais féliciter les filles de l'équipe de France qui ont super bien joué dimanche. Ouais. Surtout, Laura, Manon, Amandine, Grace, Orlane, une autre Laura. Mais ça, c'est les prénoms des joueuses. Oui, parce que d'accord. Je les connais, ouais. En fait. 173. Ouais, mais d'accord, Isabelle, mais à ce moment-là, on félicite toute l'équipe. Oui. C'est quand même plus simple, c'est quand même plus fair-play, d'accord, Maïzou? Mais bravo, franchement, t'as raison, elles ont assuré. Et on avait eu d'ailleurs la copine de Flo, le psycho, qui avait fait la fête avec elles. Elles sont très contentes. Ouais. Et elles font bien la fête. On t'embrasse très fort, Maïza, merci de nous avoir appelés. On a Flo aussi qui est avec nous, Florent. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Vas-y, Flo. Salut. Vous savez quel est le point commun entre un roi et un gladiateur? Un roi et un gladiateur? Non. Oui. A priori, il n'y en a pas. Ils rentrent tous les deux dans l'arène. Magnifique! Elle est géniale! Ah oui! Elle est super! Elle est très bien, très très bien, elle est cool. Franchement, j'ai mis deux secondes à la comprendre. Mais une fois que je l'avais, j'ai ri de très bon cœur. Bravo Flo. Bravo Flo, on te retrouvera, j'imagine, bientôt pour ton one man. Nickel, on t'embrasse. Franchement, en ce moment, vous êtes trop chaud sur les blagues. Elles sont toutes bonnes, celles qu'on a à l'antenne. Ouais, c'est vrai. Quentin nous a appelé aussi. Bonsoir, Quentin. Salut. Salut, Quentin. Anso, est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là! Qu'est-ce que tu voulais nous dire, toi, Quentin? C'est que moi, en fait, je me suis fait larguer par une meuf et je me suis fait larguer par ma mère. J'ai pas très compris pourquoi. J'ai cherché et apparemment, elle a eu un problème familial, je sais plus quoi. Son grand-père, il était mort. C'était super fou. Est-ce que vous pouvez me donner des conseils? Passe à autre chose, je pense, Quentin. Quentin, on largue pas quelqu'un parce qu'on perd un membre de sa famille. Je pense que c'est une excuse qu'elle t'a donnée. Peut-être que ça l'a perturbée, qu'elle était très triste. Mais justement, elle aurait dû un peu se rapprocher de toi, t'utiliser pour se consoler et tout. Là, c'est pas le cas. Donc, à mon avis, elle s'est servie de ça pour mettre un stop, tu vois. Il faut la laisser, elle a plus envie. Oui, parce que j'ai cherché pourquoi. Je l'ai revu ses copines. Non, mais Quentin. Il faut que tu passes à autre chose, mon petit poulet. Marion a raison, c'est dur à digérer et tout ça, mais je pense que là, tu vas trouver quelqu'un d'autre avec qui tu seras mieux. Tu vois, je pense que t'as encore plein de temps là devant toi de papillonner, de butiner. T'es un Quentin qui papillonne et butine. Mais parfois, il faut pas essayer de comprendre les raisons. Hein. Parfois, il n'y a pas de raison. C'est juste qu'elle s'est déchauffée, elle était moins dedans. Ça n'a rien de trouver la solution à tout, Quentin. T'inquiète pas, il y en aura d'autres. Ouais. Ouais, ça va quand même, le moral. Ouais, mais c'est juste que ça me fait un petit peu chier, quoi. Ouais, ouais, je comprends, Quentin, mais dis-toi que les vacances s'approchent et qu'en règle générale, quand Noël va, tout le reste va bien. Et puis, Quentin, regarde Karel de l'équipe de Love in Fun qui vient de nous rejoindre. Ouais. Lui aussi s'est fait larguer plein de fois dans sa vie. Ah ouais, lui aussi, non, mais c'est vrai, prenons quelqu'un au hasard dans le studio, prenons Karel. Non, mais attends, moi aussi, Karel, je me suis fait larguer plein de fois dans ma vie. Sûr, mais je sais, et d'ailleurs, tu m'as largué. Arrête, mais ça, c'est encore une autre histoire. C'est chiant. Mais Quentin. Ah, il est là. Quentin. Oui. Quentin, tu viens de te faire larguer par cette fille, c'est ça, là? Oui. Ouais. Et tu vas avoir quoi pour Noël? Normalement, je devrais avoir une Switch et 200 euros. Là, wow, j'ai à peu près... Ouais. Et tu fais la gueule pour une meuf? Ah ouais, la Switch, c'est beaucoup mieux. La Switch. Je peux te dire que dans la vie, il n'y a pas que la console qui compte. Hein. Oh ouais. T'as cassé, il te remet dans le droit chemin. T'as raison, Quentin, mais je suis sûr qu'il y a plein d'autres filles et que et celle-ci, elle te méritait pas, et c'est tout. D'accord. Ouais. Peut-être qu'il est moche aussi, Quentin. Mais... Non. Si, c'est possible. Non, il a une voix de beau gosse, Quentin. S'il te plaît. Je l'adore. Ah putain, elle est magnifique. Allez, Quentin, on t'embrasse. Gros bisous, très Quentin. Fort. Bisous. Ouais. Ciao, mon pote. Bisous. Allez, Karel, les bons conseils, on va te laisser. Non, mais vous inquiétez pas. Écoute, qu'on accueille Quentin dans 5 minutes, on va le régler tout ça. On va D'accord. appeler la fille et tout, il n'y a pas de problème. Eh bien, Quentin, reste en ligne pour vous. On va vous écouter, nous aussi, jusqu'à minuit, l'équipe de Love in Fun. Alice, tout en beauté, et puis Doc. Alors, vous souhaitez une bonne émission. Attends, on va revenir. Alors, Alice est tout en beauté, Doc rien à foutre et Karel il se prend que des râteaux. Mais ok, super. Alors bravo Marion, merci. Moi je vous aime très joli fort. Ton pull, moi je vous trouve très belle les filles. Merci, voilà. Mais effectivement j'aurais pu te glisser un petit compliment. Tu sens bon. Allez, à demain. Merci beaucoup. Allez, et demain salut, dès 20h, rendez-vous sur Fun Radio. On soit Vergès 92, soyez bien là devant la radio, partout et derrière votre radio. On vous embrasse. Un bisou. Ouais. Merci beaucoup. Tous les soirs. Plus de liberté. Love in Fun. La seule émission qui vous donne vraiment la parole. Love in Fun. La seule émission qui parle de vous. 01 42 48 5000. Love in Fun. De 22h à minuit avec Karel, Alice et Doc Pavageau. Sur Fun Radio. Bonsoir à tous, bonsoir tout le monde, soyez les bienvenus sur Fun Radio. Nous sommes mardi soir, à 2 jours des vacances. Et nous sommes là, prêts à passer 2 heures avec vous tous, vous toutes. J'espère que la journée a été cool. On commence à un petit peu se détendre là. On se dit c'est bientôt les vacances pour pas mal d'entre vous. Il y a Noël qui se rapproche d'ici quelques jours. On commence à paniquer à l'idée de se dire tiens, mais il manque encore des cadeaux de Noël. Hein. Et autant vous dire que celui qui va faire ses cadeaux de Noël samedi va passer une mauvaise journée. Ah non, mais c'est sûr, avec les queues et tout, dans tous les sens. Quelle organisation aussi. Mais oui, c'est attends, ça. Qui fait ça? Non, mais par exemple, je vais vous poser une question. Bonsoir Doc, bonsoir Alice. Bonsoir, bonsoir Karel. Je m'appelle Karel, bienvenue dans Love in Fun. Hein, je te pose une question Doc, t'as eu combien de cadeaux de Noël par exemple toi à peu près à réfléchir, à préparer? Non mais dis la vérité Doc. Un. Bah non, Doc, il n'y a qu'une personne à qui tu vas offrir un cadeau? Bah cette année oui. Ah parce que toi parce tu que pars. Je suis pas là, voilà. Ah, toi tu pars. Donc, j'en ai fait un à ma pratique, maman. Et ça c'est le bon plan. Voilà. Grave. Et oui. Ça. Et tu te casses à Noël. Je l'ai fait à ma mère. Voilà. D'accord. Je l'ai envoyé. Elle est à Toulouse, donc top, c'est parti. Okay. C'est même arrivé et voilà. Un cadeau de Noël. Et Alice, combien de cadeaux toi? Bah écoute, je pensais que j'en avais que 15, ce qui était déjà énorme. Et au final, j'en suis à 21, quoi. 21 personnes. 21 personnes. Mais c'est atroce. Alors, et je peux vous assurer mais que. Mais je les aime, hein, mais ça me fait chier. 21 personnes. Et alors, Alice fait partie de ceux qui sont stressés à l'idée d'offrir leurs cadeaux parce qu'ils ont peur de décevoir. Non, mais c'est pas ça, c'est pas que je suis stressée, mais je suis tellement impatiente, en fait. J'ai l'impression d'être comme une gamine qui compte les dodos jusqu'au 24 décembre parce que moi, je les ouvre le 24 décembre. Et d'ailleurs, on vous a publié une photo sur l'Insta de Fun Radio. Oui, nous, on les ouvre et on les offre le 24 décembre. Et c'est le cas de pas mal d'auditeurs aussi, même si je sais que c'est pas forcément la majorité. On va ouvrir le débat, justement, parce que je suis en train de... Ah, j'appuie, voilà, partager. Sur l'Instagram de Fun Radio, on vous a publié une photo en vous posant la question. Est-ce que vous les ouvrez et vous les offrez le 24 ou le 25? Ok, c'est parti sur Instagram, allez-y. Ouais. Toi, c'est le 25, on sait. Ouais, le matin, moi, c'est le 25, mais moi, j'ai un enfant qui a 7 ans. Hein, donc, même si j'ai l'impression que là ça y est, c'est mort. Bref, on va pas rentrer dans. Mais t'as fait combien de cadeaux que tu nous as posé la question? Ah ouais, mais... ah bah ouais Ah bah moi. T'en as fait déjà. Toi, tu t'en es fait plusieurs à toi-même déjà. Ah moi, j'en suis à mon 4e pour moi perso. Ah bah voilà. Mais non, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Oh non. Non mais c'est quand on est mal entouré ça. Ah mais peut-être ouais. Non, mais je sais pas moi. 7, 8, un truc comme ça. Ah après ouais, moi, je vais en faire une fois que je serai là-bas. Parce oui, que bien sûr. Donc, bah, on attend toujours nos cadeaux. D'ailleurs, dans l'équipe, on va s'offrir des cadeaux. Oui. Et ça va se passer jeudi soir. J'ai acheté les cadeaux de Cassim aujourd'hui. Quand je dis les cadeaux, il y en a deux. J'en ai acheté deux, Cassim. Putain, qu'est-ce qui t'arrive? Non, mais en fait, c'est le syndrome. Attends de les voir. C'est ça, c'est le syndrome de j'ai acheté un cadeau, mais en fait, ça, c'est pas suffisant. C'est de la merde. Non, c'est pas il ça. Il en faut un deuxième. Tu doutes et tu te dis, j'ai quand même rajouté 5 euros. Pour un deuxième cadeau, une petite connerie qui va accompagner et tout. Comme ça, s'il est déçu du premier, il pourrait être relativement rassuré sur le deuxième. Par la quantité. Okay. Bon, on verra. En attendant, ta brosse à chiottes, tu vas la voir bientôt. Je peux te dire ça va, Cassim? Très bien, ouais. Cassim, c'est le réalisateur producteur de cette émission. Et il y a Coco et Méloche qui décrochent le standard. Ça va, le standard? Ah, ça va, ouais. Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il a? Tu fais toujours encore, la gueule, toi. Non, je ne fais pas la gueule. Je rentre les numéros, mais on a un souci sur l'écran. Je dois avoir les doigts mouillés et ça marche pas. Tu sais quoi? Toi, faut qu'on t'envoie au Québec. Eh tu oui, vas aller couper des arbres avec ta tenue de bûcheron. Ah, les bâtards. Sans déconner. Ouais, c'est vrai. Alice, il est habillé comment, Coco, aujourd'hui? Il a une espèce de chemise de bûcheron, comme tu l'as dit, ouverte sur un t-shirt un peu particulier, en mode genre collégien du Kansas. C'est ça, le collégien du Kansas. Alors, il y a écrit Brooklyn, excusez-moi. Eh ben, n'hésitez pas, c'est eux qui décrochent, 01 42 48 5000. On va écouter de la musique aussi, pas n'importe lequel. Martin Garrix dans l'émission ce soir avec Burnout. On va vivre encore des émotions hein, d'ici quelques minutes avec Franck, 24 ans de Paris, qui va nous rejoindre. Il est là, Franck? Ouais, salut. Salut, Franck. Salut. On va s'occuper de toi dans un instant. On va écouter J Balvin aussi ce soir dans l'émission avec Reggaeton. Sound of Legend. All That Sucker Down. Ah, ça, j'adore. Trop fort. T'aimes bien aussi ça, Doc hein? Oui, j'aimais bien à l'époque. Ah oui. Ah bah c'est une reprise. Doc, il a connu tous les sons c'est et tout ça, qui ont été remixés, machin. T'es là, Franck? Ouais, salut la famille. Salut Franck. Salut. Franck, 24 ans, Paris. Ce soir, tu nous appelles parce que tu veux qu'on appelle ton mec. Pour lui annoncer ça, une sale histoire, une sale nouvelle. Très sale histoire, ouais. Raconte tout, Franck. On raconte tout. Bah, en gros, la semaine dernière, il a voulu aller à la manif des Gilets jaunes. Ouais, non, mais attends, donc, voilà, Franck, le commencement, c'est t'es avec un mec depuis combien de temps? Alors, ah ouais, ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Voilà. Vous habitez ensemble? Non, on n'habite pas ensemble, non. Enfin, on n'a jamais voulu habiter ensemble. Ok. Voilà, on était bien chacun de notre côté, en tout cas. Et du coup, voilà, enfin, la semaine dernière, il a voulu aller à la manif. Donc moi j'avais pas envie, j'ai essayé d'aller et je suis resté avec sa meilleure amie, donc voilà, on est restés tous les deux, sauf que bah c'est parti en banane et j'ai couché avec sa meilleure amie. Ok, mais donc, t'es homo Franck? Bah je croyais. Ah ouais, finalement t'as répondu à l'appel. Parce que je sais pas, bah j'ai l'impression d'avoir perdu mon temps, enfin c'est très bizarre, j'ai vraiment été perturbé et je sais pas, du coup, là, je suis complètement paumé. Ok, gros doute. Donc, gros doute, Franck. Gros doute, ouais. Franck, tu pensais être homo. Là, t'as couché avec la meilleure amie de ton mec. C'est normal de se poser des questions, Doc. Oui, bien sûr. Après, c'est pas parce que tu couches une fois avec une fille que ça change complètement ta sexualité. Ça peut être aussi une expérience. Bon, après, c'est à toi de voir, mais bon, voilà. Parce que là, t'as des sentiments pour elle, Franck? Ah non, j'ai pas de sentiments, sauf que. Enfin, avant ça, j'étais pas dégoûté par les filles, mais ça m'intéressait pas vraiment. Ouais. Sauf que là, depuis là, genre vraiment, enfin, limite, c'est comme si j'avais complètement oublié les mecs et je commence là vraiment à regarder les filles. Enfin, mon point de vue a complètement changé. Enfin, je suis paumé en fait. Qu'est-ce que t'as trouvé chez cette fille que tu retrouves pas ailleurs? On imagine bien, il y a quelques détails quand même qui changent, mais... La Tocha, tout simplement. La Tocha. Ah, c'est vrai que moi, je voue un culte à la Tocha. Hein, c'est une passion. Je Tochane de temps en temps. Et Franck, là, aujourd'hui, tu veux appeler ton mec pour lui dire quoi? Bah, je vais tout lui dire, en fait. Je pense que je vais être le plus honnête possible et tout lui dire. Parce qu'il y a une infidélité, quoi, aussi dans l'histoire. En dehors du fait que tu ne sois, tu sais, c'est pas trop où t'en es au niveau orientation sexuelle, si t'es plus mec, meuf, ça, on s'en fout. Il y a aussi où t'en es avec ton mec. Est-ce que t'as envie de continuer avec lui? Est-ce que c'était juste comme ça une fois? Est-ce qu'il y a un truc avec cette fille? Ah non, mais j'ai plus envie de continuer, en fait, du coup. Ah, tu veux donc quitter ton copain et lui avouer en même temps que t'accouches avec sa meilleure amie ou juste le quitter? Ouais, je vais tout en même temps. Ah, mais c'est dur, je ça. Je pense que c'est le mieux. Bah, je pense aussi. Parce que, vu que c'est sa meilleure amie, encore c'était quelqu'un qu'il connaissait pas. Mais là, c'est sa meilleure amie, donc il va être au courant. Maintenant, c'est vrai que c'est bizarre ton histoire, Franck. Enfin, c'est la première fois que j'entends ça, moi. Mais ça peut arriver. La sexualité, ça bouge aussi, hein. C'est pas toujours une ligne droite bien déterminée à tout jamais. Donc, voilà. Là, tu découvres autre chose. Et a priori, ça a l'air de te plaire. Donc, faut aller au bout de la chose aussi. Ah voilà. C'est peut-être qu'une expérience et puis ça va te passer, comme peut-être que c'est un vrai changement et que ah oui, peut-être. Tu t'es trompé d'immeuble, t'as pris l'immeuble d'en face et finalement bah tu t'y plais mieux peut-être. Donc faut peut-être pas voir ça non plus comme quelque chose de totalement définitif. Vis la chose, expérimente-la, tu vas voir comment tu es et jusqu'où tu vas. Peut-être que c'est effectivement définitif, mais faut pas faire de jugement trop hâtif sur juste ce qui vient t'arriver. C'est totalement normal que ça te perturbe et que tu vois plus du tout clair et que tu saches plus où t'en es. Bon. Bon, alors, tu sais ce qu'on va faire? On va appeler Guy dans un instant, d'accord? D'accord, ok, ça marche. Il a quel âge, Guy? Il a 28 ans. D'accord, hein, parce que Guy, je me suis dit peut-être qu'il a l'âge de Doc. Non, mais... T'avais des copains de classe qui s'appelaient Guy, Doc? Non. même pas, tu vois. Alors, peut-être qu'il a 70 ans, Guy, voilà. Dans un instant, on appelle Guy, on embrasse tous les Guy qui nous écoutent. Guy Forget, bien sûr, tennisman. Et on revient avec Franck qui appelle Guy, son mec, pour lui annoncer qu'il l'a trompé et qu'il va même peut-être se mettre aux filles. Hein. C'est ça. 01 42 48 5000. Je sens qu'on va vivre un drame, les amis. Restez avec nous, on est filmé, funradio.fr. Ah oui, ah oui. Ah oui. Aya Nakamura dans 3 minutes. Suivez-nous sur Snapchat. En tapant Love in Fun Radio. Jusqu'au 24 décembre, Fun Radio vous ouvre une cage de son calendrier de l'Avent. Tous les jours. Inscrivez-vous en envoyant le mot Noël par SMS au 74 900 pour tenter de gagner des PS4, des séjours à Avoria 1800 pour le réveillon, des Nintendo Switch et plein d'autres surprises. C'est gagné, bravo! C'est déjà Noël. Merry Christmas! Avec le calendrier de l'Avent Fun Radio. Pour Noël, les couples de scènes de ménage ont décidé de mettre le paquet. Et ils ont bossé dur. Est-ce que t'es dans le coup, Yvette? Oh bah mais bien évidemment que je suis dans le coup, évidemment. Au menu de ce réveillon pas comme les autres, du rire, des invités et de la mauvaise foi. On se fait chier en fait, non? Bah hé, Marcel, c'est Noël. Inédit, scène de ménage, ça sent guirlande pour Noël, c'est demain à 21h sur M6. Adrien, ça y est, je l'ai trouvé. Oh JB, c'est sympa, t'as pensé à mon cadeau de Noël? Oui, mais pas que. Ah, mais là, je vois pas. J'ai trouvé mon Sam. Ton Sam? Oui, Sam, celui que tu désignes avant de sortir et qui te ramène de soirée. Sam, le super pote qui ne boit pas et qui conduit au retour pour t'éviter de rentrer à pied. Ah, bah respect, Sam, mais c'est qui? Bah, c'est toi, Adrien. Ah, cool. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Retrouvez Sam, le conducteur désigné, sur Facebook. Fun Radio présente Mala en concert. Mala de retour en France pour son illégal tour en février 2019. Le 7 à Lille. Le 8 à Lyon. Le 9 à Nantes. Le 14 à Paris. Le 15 à Strasbourg. Et le 16 à Toulouse. My conversation is cash money. Infos et réservations, point de vente habituel. Every time I come around, Mala en concert avec Fun Radio. Le son Dance Floor. Avec le pack Open Orange, retrouvez ce que Noël a de plus merveilleux. Moi, avec le forfait Orange 50 Go, je révise mes chants de Noël en streaming. Et ben moi, avec le forfait Orange 50 Go à 9,99€, j'envoie mes vidéos de Noël à toute ma famille. 50 Go de vidéos par mois, on va avoir le temps de s'occuper. Hein. Avec Orange, profitez du forfait mobile 50 Go pour clients pack Open à 9,99€ par mois pendant 12 mois au lieu de 24,99€ par mois. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange, valable jusqu'au 8 janvier 2019, 15€ par mois remboursé pour les nouveaux clients, engagement 12 mois, conditions sur orange.fr. Restez connectés avec la famille Fun Radio. Falling into you, baby, in electricity, can't compare to what I feel when I'm with you. Oh, baby, giving up my ghost for you. Now I'm see through you. Give me a feeling, feeling so strong. C'est Loving Fun sur Fun Radio. Merci, merci beaucoup d'être avec nous, de passer la soirée avec nous. Nous, on est là tous les soirs du dimanche au jeudi. L'émission s'appelle Loving Fun. C'est une émission où on vous donne la parole tous les soirs. Vous pouvez venir parler de tout. Il n'y a pas de sujet tabou. Et en plus, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a toute la communauté Loving Fun, tous les auditeurs qui écoutent et qui peuvent venir réagir ici sur Fun Radio. On vous a également mis une petite photo sur l'Instagram de Fun Radio. Mmh. Une petite photo où on nous voit ouvrir nos cadeaux de Noël avec Doc et avec Alice. Et alors, Doc a pas l'air content de son cadeau. Alors que moi, j'ai l'air très surpris. Et Alice est magnifique, comme d'habitude. Ouais, ça mais ça, c'est grâce au filtre Instagram. Un gros paquet. hein, bien sûr. Un gros paquet. Et alors, on vous a posé cette question essentielle. Bah est-ce oui. que vous ouvrez vos cadeaux de Noël le 24 au soir ou le jour de Noël? Ah ça va. Ah c'est le 25 chez Cassim. Ah bah oui. Ah oui, bah c'est pas le cas pour tout le monde. Et hein. ouais, moi je l'ouvre le 24 et il y en a plein aussi ouais. qui ont commenté le 24. Imagine voilà, Noël, quoi. Il y a Pauline, il y a Caro qui a mis le 24, Angélique, Mimi, Kevin, bah voilà, Julien, moi, c'est Bim, entre les deux. Team 24. Voilà, après il y a Laura qui dit ça dépend des parents s'ils travaillent, mais d'habitude c'est le 24, sinon il y a le 24 pour les adultes et le 25 pour les enfants. Voilà. Voilà. Venez voilà. nous dire, venez, dites-nous en tout cas, quand est-ce que vous ouvrez vos cadeaux, le 24 au soir ou le 25? On lance le débat sur Fun Radio. Enfin, c'est pas un débat, hein, c'est juste une question. et ça se passe sur l'Instagram de Fun Radio avec la petite photo à liker. On vous remercie. Alors, on va accueillir Franck de nouveau dans l'émission. Franck, on Salut. A dit. Bonsoir, Franck. Alors, Franck. Ouais. Un petit peu stressé. Ah ouais. Trop là, je commence à pas être bien. On a démarré un Facebook Live sur le Facebook de Fun Radio et de Love in Fun. Et Franck, on va vivre ce moment en direct sur Fun Radio. Tu viens de nous expliquer ta situation. Ça fait 3 ans que t'es avec un mec. Ce week-end, tu t'es ouais. retrouvé avec la meilleure amie de ton mec. Ton mec était parti. Et t'as fauté. C'est-à-dire que t'as couché avec elle depuis. C'est ça. Bon, voilà, tu as été infidèle, mais surtout, depuis, tu te poses des questions sur ta sexualité. T'as le sentiment d'avoir, changé d'autoroute, pris une déviation, hein, sur l'autoroute de ta sexualité. Et là, tu penses peut-être, tu ne te définis plus forcément sexuellement. Tu veux carrément le quitter, quoi. Oui, c'est ça. Quand on t'a posé la question, est-ce que tu veux juste lui avouer ton infidélité, tu nous as dit carrément, j'ai envie de le quitter. Oh, c'est énorme. Ah oui, non, je veux vraiment arrêter. Du mais coup, c'est ce qu'il a dit, ouais, c'est chaud, quoi. Moi, je trouve ça fou. Non, mais tu peux, enfin, réfléchis bien. Est-ce que tu veux lui dire en même temps, j'ai couché avec ta meilleure amie et tout, parce que ça fait quand même beaucoup d'un coup, avant Noël en plus. C'est. Et puis, est-ce que c'est définitif, tu vois? C'est vraiment très récent, comme. Mais bon. Après... Est-ce que dans un premier temps, tu finalement, en fait, pour moi, il y a deux trucs. Soit tu lui dis que t'as été infidèle et vous commencez à discuter, sans forcément lui dire que ça y est, enfin, t'es plutôt attiré par les filles. Ou alors, cache quoi. Tu lui dis que c'est terminé. À ce moment-là, t'es peut-être pas obligé de lui parler de ton infidélité. C'est comme tu le sens, quoi. Si t'as envie d'être honnête, bon. Après, tu peux effectivement faire le combo. Ouais. Hein, et je t'ai trompé et je pense que je suis plutôt attiré par les filles dorénavant. Il va peut-être le savoir en plus. Franck, tu veux faire quoi? Parce qu'on va l'appeler là. J'aurais préféré le dire avant qu'il le sache de lui-même et être. C'est sa meilleure amie. Le plus honnête possible en fait. En plus, tu fais ça avec la meilleure amie. Bon, t'es pas tranquille. Et alors, elle en dit quoi? Voilà, c'est ça. T'as dit quoi, elle? Comment? Elle t'a dit quoi, elle? Bah, elle, justement, enfin, n'était pas tellement chaude pour, enfin, du coup, je lui ai dit où j'en étais, du coup, maintenant. Et elle était pas très chaude au début, pour lui dire. Et voilà, enfin, au fur et à mesure, voilà, j'ai beaucoup parlé avec elle et elle m'a dit, bah, fais ce que tu veux. Mais bon, elle me l'a dit un peu d'un air saoulé. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Alice. Alice. D'accord. J'ai rien fait. On appelle Guy. On appelle Guy, c'est parti. Rejoignez-nous sur le Facebook Live Fun Radio sur Facebook. N'hésitez pas à commenter, réagir. Oui, allô? Allô? Oui, oui. Allô? Allô? Ouais, ça va. Allô? J'entends pas, c'est qui à l'appareil? J'entends pas, attendez deux secondes, je me mets dans un ordre pour mieux entendre. C'est allô? C'est moi, oui, c'est... allô? Allô, c'est Franck. C'est Franck? Bah, salut mon chat, bah, pourquoi tu m'appelles en privé? Ouais, je vois, enfin, sur mon téléphone, il doit bugger. Ah ouais? D'accord, seul, bah non. Bah ouais, ça va et toi? Ouais, t'es tout seul ou pas là? Peux-tu mettre à l'écart? Ouais, pourquoi? Tu veux quoi? Ça va pas être facile à dire, enfin, faut que je parle d'un truc. Ça va pas être facile. Ouais, c'est en rapport avec tout à l'heure, non, parce que tu sais, je t'ai envoyé un message et non, tout non, et non, tout, rien mais... à voir, rien à voir. Mais t'inquiète, rien hein. Rien non, rien c'est voir. Sûr. Non, c'est. Tu vois, quand t'es parti à la manif samedi dernier, là. samedi. Ouais, quand j'étais à la manif, t'étais avec Lisa, non? Ouais, vous êtes restés tous les deux, ouais. Ouais, ouais, je me souviens, ouais. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Encore, je suis sûr, t'as dit des trucs sur moi et tout. Pardon, Guy, comment s'appelle ta meilleure amie? Lisa. Lisa, bah je pensais que c'était Alice. Vous nous prenez vraiment pour des cons. On les a niqués! Sans déconner. Et c'est pour ça que j'avais demandé le prénom de la meilleure amie de Guy à Franck. C'est un malin, tu l'avais senti. J'ai qu'une meilleure amie. Des années d'expérience. Oui, Guy. Guy, tu sais quoi? Moi, je veux bien assister à votre spectacle. Ah ouais, vous voulez pas finir quand même? On a la lutte anti-fake, hein, parce que nous, on n'aime pas trop la fraude. Et surtout, il n'y a rien à gagner, pourquoi vous faites ça? Les gars. Ah mais j'ai répète peut-être. Ah mais alors tu sais quoi, ce qui m'avait perturbé moi, c'est que Franck comme ça, parce qu'il avait couché avec une fille, tout de suite voulait changer de bord et tout. Ouais. J'avais rarement entendu ça. Après tu te poses des questions, ok, ouais, quoi, mais tout existe. Mais true story. Ouais. Non mais Franck et Guy là. Hein? On n'est pas né de la dernière pluie, hein. Attention les gars. Vous voulez pas quand même faire le truc comme vous l'aviez imaginé? Ouais. Pour qu'on entende ce que ça aurait pu donner. On avait fait un truc de fou. Faites-nous ce que vous aviez préparé. Parce que Guy qui dit salut mon chat. Surjoué le truc. Putain les cons les gars. Non, quoi. Vous dites c'est surjoué, en vrai vous y croyez de base. Bah et continuez du coup. Joue la surprise, Franck. Franck annonce à Guy là en direct. Que tu l'as trompé là, jouez la comédie, c'est parti. Okay, Franck, dis-lui. Action. Remets-toi dans le personnage, attention, moteur. Okay. Tu l'avais senti, Karel. Ça tourne. Action. Okay. Ouais, Guy. Ouais. Ah, ouais, faut que je te parle d'un truc. Donc, quand t'es parti à la manif la semaine dernière, j'étais avec Lisa et. Puis au début on a commencé à beaucoup parler et puis au bout d'un moment, ça s'est chauffé un petit peu et il s'est passé ce qui s'est passé. Je suis désolé de t'annoncer ça comme ça, mais... C'est sérieux ton histoire là? Ouais, et du coup maintenant je vous pose beaucoup de questions et je sais plus vraiment où j'en suis au niveau de ma sexualité. Non mais comment ça? Mais je sais pas, toi et moi c'est sûr, enfin en plus on devait voir tes parents demain et tout, enfin c'est quoi l'histoire là, je comprends pas. Ah oh, putain les mecs, Franck Guy, vous êtes dit putain ce soir on va faire un délire, on va appeler Fun et tout, on va se marrer. À la radio, il aime bien ça. Pourquoi la radio devrait pas se faire pranker? Tu peux essayer. La radio appelle au prank, tu vois. Ouais, mais je vais bien te pranker aussi, tu vois. Mais Karel l'a senti en plus à la pub. Il nous dit putain c'est quand même bizarre de remettre en question sa sexualité comme ça, c'est chelou. Ouais, y avait une petite phrase qui était louche. Il y avait des trucs un peu louches et on s'est dit bon, on va voir si, enfin jusqu'où ils vont aller les mecs quoi. Bah ouais. Putain, bah nul. Eh bah Franck et Guy. Oui, franchement, en plus on s'est fait avoir vite. Hein. Franchement, c'est la meilleure Alice et Lisa quand même. Franchement, Franck, tu chies. Hein. C'est surtout que, en fait, c'est pour ça que dès que j'ai posé la question, on a tout de suite appelé Guy parce que je me suis dit, ça se trouve, forcément, il va écouter la radio et on va y aller. Mais il s'est planté sur le prénom, ça fait plaisir. Voilà, nickel les gars. C'est con, franchement, c'est con. Et nous, on vous en veut pas. On vous en veut pas du tout. On embrasse tous ceux qui sont connectés sur le Facebook Live. Ah ouais, commentez, hein, n'hésitez pas à commenter la prestation de Franck et Guy. Est-ce que vous iriez à leur spectacle? N'hésitez pas à nous dire. C'est dommage, on avait préparé un vrai truc, c'est dommage. Ah, c'est vrai, à la fin, vous aviez. Vous vouliez terminer ça comment à la fin? Il y en a un qui allait pleurer et tout. Petite embrouille, tu vois, semi-amère. Non, on avait prévu un truc, une fin douce et amère en mode Game of Thrones, tu vois. Ah putain, un duel. Bon bah voilà, écoutez, retentez votre chance. Salut les gars. Salut. Ciao Franck, salut Guy. Bah voilà, ils sont venus faire un petit prank. De Noël. T'as raison, Doc. On pardonne tout à Noël. On va accueillir Iris, 23 ans d'Orléans. On va parler des orgasmes, Alice, c'est ça hein, hein, on va parler d'orgasmes. Des orgasmes. Et oui, parce que Alice a eu un orgasme récemment et on en a parlé dans le bureau et on s'est posé la question la première fois. Est-ce qu'on se souvient de son premier orgasme? 01 42 48 5000. C'est vrai que le premier orgasme, c'est quand même une sensation tellement nouvelle, tellement foudroyante qu'on ne l'oublie pas généralement. On va tous dire, on sera avec Iris, Kevin et Gaël qui ont eu des orgasmes et qui vont tout nous raconter après Aya Nakamura. J'ai rencontré, j'avais pas lové, j'avais tous les mecs sur le bas côté. Fais belle et tu vas câbler. fait. Je me suis rendu, prends-moi cadeau. T'as l'air recoin de ma tête, y'a comme un truc qui m'a fait. Suis le faux pasteur et c'est ma conscience qui me l'a dit. Ok, je suis la cible, je prends tout le packaging. Je veux ok. Traite-tu de base, t'as adouci le bail. Comment faire, je deviens tête en l'air. J'ai plus le contrôle. Traite-tu de base, comment faire, je deviens tête en l'air. Tu me voulais, tu m'as eu. Il a fallu me prouver ton amour. Tu me voulais, tu m'as eu. Il a fallu me prouver ton amour. Ah oui la dot. Bébé veut un gosse. Je finis wanted, moi je veux la vie de rêve. Ah oui la dot. Bébé veut un gosse. Je finis wanted, moi je veux la vie de rêve. Ah oui le gosse. Ah oui le gosse. Ah oui. Ah oui le gosse. Ah oui. Ah oui la dot. Bébé veut un gosse. Depuis ta venue, j'ai changé. À la Bonnie and Clyde, t'es validé. T'as tapé dans le mille de mon cœur. Je finis la vie d'avec toi. Suis-moi, tu verras. Ça deviendra illégal. Toi et moi, en bagaille. Et confiant, je suis là pour toi. Tu me voulais, tu m'as eu. Il a fallu me prouver ton amour. Tu me voulais, tu m'as eu. Il a fallu me prouver ton amour. T'as dit des ex en peste. Sinon je m'en charge de ton tas de bitches. On fait le combo, j'ai trouvé la recette. Mariage enfant, je crois que c'est le concept. T'as dit des ex en peste. Sinon je m'en charge de ton tas de bitches. Ah oui la dot. Bébé veut un gosse. Je finis wanted, moi je veux la vie de rêve. Ah oui la dot. Bébé veut un gosse. Je finis wanted, moi je veux la vie de rêve. Aya Nakamura sur Fun Radio. De 22h à minuit. Sur Fun Radio. On a lancé un petit concours sur le Facebook. Parce qu'on pense à vous tous, vous toutes, là, oui. Qui voulez avoir des petits chèques cadeaux pour faire plaisir. Et pas n'importe quel chèque cadeau. Parce que ce sont des chèques à dépenser sur le site t-shirt-corner.com. Et à 100€ quand même à dépenser pour se faire plaisir. Alors, pour ce faire, il suffit d'aller sur le Facebook de Love in Fun. Oui. Vous likez la publication du concours sur le Facebook. Vous likez la page T-shirt Corner. Vous invitez deux potes en commentaire. Et bim, voilà. Ça y est, c'est bim, tout. Bim, vous êtes dedans et vous serez tiré au sort. Ce sera quand le tirage au sort, Alice? Bah écoute, vous allez recevoir un message privé au plus tard 00h30 si vraiment je tarde un peu. Voilà, donc c'est Alice qui personnellement va vous écrire. Ensuite, libre à vous d'échanger. Des nudes. Des nudes avec Alice. Voilà, vous pouvez toujours envoyer un petit nude et on ne sait jamais. Une photo drôle. T'as déjà envoyé des nudes, toi, Alice? Moi? Ouais. Bah, pas aux auditeurs, non. Non, mais pas aux auditeurs, non, mais je veux dire, il t'est arrivé d'envoyer. Oui. C'est genre. Photo genre bien provocante ou au contraire il y a toujours non. Un peu de... Non, pas de nude en mode où t'es complètement à poil, tu vois, ou pas, enfin c'est le genre de nude où y a tu un peu vois de dentelle, quoi. Un bout de ventre, un petit bout de dentelle sur le côté de la hanche, tu vois, des trucs comme ça, quoi, mais c'est pas genre... Pas en levrette. Non. Ah ben c'est... Et c'est, ça m'est déjà arrivé d'envoyer une photo de mes fesses avec de la lingerie, mais j'étais pas non plus en levrette, quoi. Oh là là, putain, bien heureux le mec qui a reçu ça. Mais jamais la tête. Ah, jamais la... ah ouais, bah oui, protégez toujours votre visage. Ah oui, mais c'est des personnes de confiance. Enfin, j'étais en couple, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais alors, justement, si jamais, excusez-moi, je pose plein de questions à Alice, mais si jamais tu te retrouves à envoyer des nudes, par exemple, à ton mec, oui. Et que, bah, ton mec n'est plus ton mec. Oui. Est-ce que tu vas aller le voir pour lui dire t'effaces tout ce que je t'ai envoyé ? Bah, on en parle un peu. Enfin, en général, quand il y a une séparation, moi, je suis à fond dans la communication, quoi. Donc, on en parle. Et c'est vrai que, bah, c'est déjà arrivé qu'un mec ait genre un dossier de photos de moi, tu vois, un de mes mecs avec des photos un peu le sexy, dossier tu vois. Alice nue. Mais pas non plus un dossier de 150 photos. Non, j'aimerais bien en avoir un. Les deux, trois photos. Et puis, tu lui dis, bon, bah, ça va de soi. Je vais regarder. Tu demandes de les supprimer, mais franchement, je sais pas ce que vraiment font les mecs, quoi. Surtout quand c'est une fois que c'est ton ex, je pense que les mecs, alors, vous avez tendance à les garder. Je vous invite justement, les mecs, les filles, à venir nous dire, est-ce qu'après une séparation, vous gardez les petits souvenirs ? Ça peut être des petites photos, des petites vidéos, des petites choses comme ça. Vous avez un dossier peut-être, ou alors, est-ce qu'au bout d'un moment, vous avez fini par le foutre à la corbeille ? Souvent, t'as pas le choix parce que c'est même pas toi qui le fais. En fait, c'est ta nouvelle copine qui trouve le moyen d'avoir ton mot de passe et qui supprime toutes les photos de tes, comme elle les appelle, tes putes. C'est vraiment des putes. Toutes les ex deviennent des trucs. Mais moi, j'avais un pote comme ça qui avait vraiment un historique de photos, quoi, qui recevait que ce soit des meufs qu'il rencontrait sur les réseaux sociaux ou des ex et tout. Et c'était classé par type, brune, machin et tout. Le malade. Non, mais vraiment, il avait des dossiers de photos de toutes les meufs à poil qu'il avait reçues. Obsessionnel. En photo. Ah, c'est chaud ça. Bah, il faudra que tu me fasses rencontrer cet ami. Quelqu'un d'intéressant que je peux aider. Et on va accueillir Iris, 23 ans d'Orléans. Bonsoir Iris. Coucou tout le monde. Salut Iris. T'as déjà eu toi des photos de mecs à poil ? Bah ouais. Ouais, et qu'est-ce que t'en fais alors ? Tu les gardes ? Tu les supprimes tout de suite ? Non, je les supprime. Moi c'est pareil. Moi je supprime. Je te jure, je supprime. Hein, je supprime vraiment. N'hésitez pas à m'envoyer vos photos, je les supprimerai. Non mais c'est vrai. Iris, tu nous appelles ce soir parce que il t'arrive quelque chose. Bah ouais. En fait, j'ai jamais eu d'orgasme. De toute ta vie ? Ouais. T'as 23 ans ? Ouais. Même toute seule ? Ben, justement, même toute seule. D'accord. Oui, ça existe. Alors, c'est quoi, c'est... Pourtant, je suis en couple depuis 2 ans et je prends beaucoup de plaisir avec mon mec, mais je suis jamais grimpée au rideau, quoi. Il y a eu des trucs pendant... peut-être ton adolescence qui t'ont un peu choqué. Est-ce que c'est quoi, c'est de la frigidité, Doc ? Alors, ça n'existe plus ce terme. C'est fini, il faut l'éliminer complètement. Ah bah, dis-nous tout alors. Ça s'appelle de l'anorgasmie. De l'anorgasmie, c'est plus compliqué. C'est encore plus chiant à dire. Non, c'est très mal connoté de dire frigide parce que ça veut dire que t'es froide. Or, une femme peut ne pas avoir d'orgasme et prendre beaucoup de plaisir et être très bien dans sa vie par ailleurs. C'est juste, voilà, il y a ce petit point de détail qui est « je n'ai pas d'orgasme ». Donc, faut dire les choses comme elles sont. Voilà. Après, l'orgasme, c'est quelque chose qu'on s'autorise, auquel on se laisse aller. Ça s'apprend, ça s'acquiert. C'est pas toujours inné non plus. Voilà. Mais c'est vrai que ça passe d'habitude quand même par soi-même, d'abord. Hein, donc, tu pratiques la masturbation ? Oui. Ouais. Et jamais, t'as réussi à t'envoyer. Même par là, ça fait rien. Bah non, enfin pas plus que ça en fait. Quand je parle avec les copines et tout, enfin je sais pas, différent. Qu'est-ce que tu ressens ? Alors jusqu'où tu... C'est quoi le truc le plus haut, le plaisir le plus intense ? Qu'est-ce que t'as ressenti ? Tu sentais ton corps comment ? Parce que ça se trouve t'as eu des orgasmes mais tu sais pas que c'en est un, je sais pas. C'est possible aussi. Alors Iris ? Comment dire ? Ben je sais pas, t'as chaud, tu trembles pas, mais genre c'est bien, mais sans plus, quoi. Enfin, sans plus, pas. Ouais. Mais peut-être que c'est tes orgasmes à toi hein, qui sont comme ça. Et puis voilà, peut-être que tu en as effectivement déjà eu, mais que tu idéalises l'orgasme comme étant un truc je grimpe au rideau. Et il y a effectivement des femmes qui grimpent moins au rideau que d'autres. Mais si déjà dans un rapport sexuel ou même toute seule, tu sens un plaisir. Qui monte un peu plus, bah peut-être que pour toi c'est ça. C'est possible que tu idéalises trop, peut-être. C'est une des hypothèses. D'accord. Et t'as été voir justement ta gynéco, je sais pas, peut-être qu'il y a un petit truc. Non, même pas. Il faut s'en occuper. Hein. Non, mais c'est ça. Hein. Franchement, Alice, toi, l'orgasme, oui. Tu arrives à différencier le plaisir et l'orgasme. C'est vraiment un truc complètement différent. Ah oui, carrément. C'est quoi l'orgasme d'une femme, Alice ? Bah, je sais pas vraiment quel est l'orgasme d'une femme, mais le mien, il est assez cool. Je sens que j'ai vraiment les membres, enfin que j'ai les muscles qui se contractent, que j'ai la respiration qui s'accélère, qu'il y a vraiment un truc qui se passe, quoi. Tu vois, ouais. Une sorte de contraction, comme si t'as l'impression que ton cœur s'arrête pendant une demi-seconde, quoi. Donc c'est ça. Mais Iris, quand toi, par exemple, tu te donnes du plaisir toute seule, parce que pour le coup, moi, c'est ça qui me choque un peu plus, c'est que même seule, t'arrives pas à avoir du plaisir, parce que c'est souvent assez courant quand même qu'une femme ait du mal des fois à atteindre l'orgasme quand elle est à deux. Enfin, ça dépend ce que fait le mec, quoi. Mais genre toute seule, tu prends du plaisir, et quand tu sens que t'as atteint le pic, est-ce que tu peux continuer encore ou t'es trop sensible pour continuer? Ben, ça dépend des fois oui, des fois non, mais c'est assez compliqué du coup, parce que si c'est trop sensible, après c'est pas agréable. Mais si c'est trop sensible, c'est justement parce que t'as atteint un orgasme et que t'as atteint quelque chose, tu vois? Parce que c'est souvent ça, cette sensation. Quand t'as eu un vrai orgasme, un truc... Mais tu fais comment pour te masturber? Pardon? Te masturber? Tu te masturbes comment, toi, concrètement? Ben, ça dépend. Des fois, c'est avec mes mains, des fois, c'est avec des jouets, même avec mon copain. Et pourtant, enfin, oui, ça me donne du plaisir énormément. Mais c'est la pénétration. Tu touches quoi? Ouais, tu touches quoi? Ton clitoris? Oui. Okay. Et mais comment? Avec mon copain, pareil, il me pénètre et puis en même temps, je me masturbe le clitoris. Et oui, c'est super agréable, mais c'est vrai, peut-être que je l'idéalise trop et qu'au final, ça me bloque, je sais pas. Mais il ne laisse pas assez aller pendant l'orgasme. Il peut y avoir quelque chose aussi, en plus de l'idéaliser, mais il peut y avoir aussi que tu te concentres dessus. C'est-à-dire, bon, alors, est-ce que je vais l'avoir? Comment je vais faire aujourd'hui pour l'avoir? Est-ce que ça va marcher? Ça, c'est sûr que ça te bloque. Donc le seul fait de trop se concentrer sur l'orgasme que je devrais avoir, que je n'ai pas, qu'il faut que j'aie, ça c'est sûr que ça n'arrivera pas. Alors surtout, t'as une chance, Iris, t'es pas toute seule, tu peux te faire accompagner par ton mec, j'imagine. Doc, il y a des exercices que tu prescris à tes patients, comme t'es sexologue, hein, c'est vraiment ton domaine. Y a une femme qui vient nous voir, ou un homme qui t'explique la même situation, qu'est-ce que tu, quand ils viennent en couple comme ça, qu'est-ce que tu préconises? Il faut d'abord décortiquer effectivement les rapports sexuels pour voir par exemple comment est pratiquée la masturbation, parce que on peut le faire d'une façon ou d'une autre. Donc déjà, il faut voir à varier la façon de se masturber, voir aussi que le partenaire la masturbe. Il y a plein d'exercices qu'on peut faire à la maison. Il y a l'utilisation des sextoys, parce que parfois, avec un doigt, ça ne marche pas, mais avec des sensations qui sont particulières... Parfois, il faut la main. Oui, c'est vrai. Quelque chose qui est vibrant va donner un autre plaisir qui peut-être peut déclencher quelque chose chez toi, alors que la main, ça donne rien. Donc, il s'agit de varier les plaisirs. Et puis, effectivement, c'est aussi apprendre à pas se concentrer dessus. Voilà, ne pas fixer là-dessus. C'est mais plus c'est compliqué, du coup. Comment? C'est le plus compliqué, du coup. Ah mais alors ça s'apprend. Hein, mais c'est ne pas se concentrer dessus. C'est ce sera ce que ce sera. L'important, c'est le moment que j'ai avec mon ami. Et puis c'est tout. L'orgasme, il viendra quand ce sera le moment. Et puis c'est tout. Donc c'est ça, le lâcher prise et le laisser aller, hein. C'est pas se concentrer pour bon alors il faut que je lâche prise. Bon, ça c'est sûr, ça vient pas, hein, mais c'est apprendre à dire ok, je m'en fous, c'est pas grave, on verra bien, et j'aime bien le moment que je vis avec. Voilà. Il y a tout un travail, Iris, et c'est justement à ça que servent les sexologues comme Doc. Fait. Il faut aller voir un sexologue, en parler, et ça vient pas comme ça du jour au lendemain si t'es si facile. Mais en bien tout sûr. Cas, la bonne nouvelle, c'est que tu peux avoir des orgasmes, Iris. Non, ça va, alors ça me rassure. Tu sais quoi, je te souhaite de jouir en 2019. Oui. Eh ben, allez. On te fait des gros bisous, Iris. Gros bisous, merci beaucoup. Salut Iris, salut. Ciao à toi. Et on va parler justement de la première fois qu'on a eu un orgasme. Parce que la première fois, c'est un truc mythique, hein. Franchement, et c'est tout ce qu'on souhaite à Iris. On sera avec Kevin, Gaël qui vont nous raconter leur premier orgasme. Vous êtes là, les amis? Oui. On est là. Kevin, en un mot, ton premier orgasme? Branlé. Ok, Gaël, ton premier orgasme en un mot? Fontaine. Oh, voilà. Et moi, je sais pas ce que j'ai soif. On va revenir avec Martin Garrix sur Fun Radio Burnout. Nouvelle battle ce soir, un mini drone à gagner. Vous voulez gagner votre mini drone là avant Noël? 01 42 48 5000. On se dit à de suite. Suivez-nous sur Facebook, la page Loving Fun.

La team 24 au soir ou la team matin de Noël? Eh ben, il y a vachement plus de team 24. Et voilà, dans vos gueules. Kassim, oui. Kassim, il est révolté. Ah ouais, non, mais je trouve ça insupportable. Mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça te change? Mais la magie de Noël, quoi. Genre, il y a le Père Noël qui est passé la nuit, tu te lèves le matin et tu ouvres tes cadeaux, quoi. Mais il peut pas passer Il se prépare pour son futur enfant. Mais oui, mais attends, il peut pas passer le 24 au soir, le Père Noël? Justement, moi, j'habite dans l'Est et mes parents m'expliquaient qu'il passait le 24 au soir parce que justement, il arrivait en Bretagne chez Karel le 25 au matin. C'est tout. Il passait le 24 au soir. Mais du coup, je le croise, donc il y a plus de magie, quoi. Et bah oui, moi, je le voyais, le Père Noël. Ah bah oui, mais c'était moi, ma grand-mère habillée en Père Noël. Oui, bah moi, j'ai plus de grand-mère, c'est pour ça. Mais mytho, ton truc grand-mère. Sérieux. Tout ça pour créer le malaise. Bien sûr. Mais il est comme ça, il est taquin. Et bon. Allez commenter, Team 24, ouais. Dites-nous sur Instagram, allez-y, lâchez-vous là, sur l'Insta de quand vous étiez petit, c'était pareil? Ah ouais, moi je voyais d'accord. Le Père Noël et tout, le 24 décembre. Arrêtez de faire les choqués, quoi. Quoi, dans l'Est de la France, on vit pas comme vous, c'est ça? Dans la Lorraine. Non, c'est vrai que en Allemagne. Moi, ça jamais attendez, on n'est pas en Allemagne et nous on a Saint-Nicolas, messieurs. Et ouais, ça oui, c'est baisse. Je l'avais pas eu, ça. Hein. Oui, Kassim. Ouais, mais j'allais dire, la grand-mère d'Alice, elle avait de la barbe. C'était pour ça qu'elle pensait que c'était le Père Noël. Toi, tu as bien ta gueule. Fais attention, Alice est d'origine calabraise, italienne. Tu risques d'avoir. C'est ma famille qui a de la barbe. Tu risques d'avoir des problèmes avec le parrain. Le parrain d'Alice. Le padre. Il t'écrit souvent ton parrain en Calabre, Alice. Ouais, mon parrain en Calabre. Il m'envoie des nouvelles de Pippo, Luigi, Mario, tous les cousins. C'est quoi, c'est tes cousins, ça? Les cousines. Oh putain, et moi ça me fait flipper. J'aimerais bien qu'on aille en Calabre la famille d'Alice. Bon, pourquoi? Ah, ils t'écoutent. Ils savent que tu veux te placer. Ah mais merde! Ils t'attendent avec une cisaille rouillée. Quick. Kevin! Bonsoir, Kevin. Ouais. Salut, Kevin. Salut. Ouais, sauve-nous, là. Kevin, on a failli avoir des problèmes avec la mafia italienne. Ah, merde. T'as 23 ans et tu es de Paris, Kevin. C'est bien ça. D'accord, on va parler de ton premier orgasme. La première fois que vous avez eu un orgasme, on fera un petit tour dans l'équipe. Bon, c'est vrai que pour Méloche du stand, ça fait déjà plus de 600 jours qu'elle n'a pas eu d'orgasme. Je sais même pas si on en a eu un dans sa vie. Si, quand même. Mais on a promis de lui en offrir un avant les vacances. Avant Noël. Oui, on va s'en occuper. D'ailleurs, on tirera au sort. Hein. Qui va tirer Méloche? Le mec se part complètement en couille. Kevin, tu sais quoi, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'il nous faut nous aussi des vacances. Je viens de dire sur Fun Radio, on va tirer au sort qui va tirer Méloche. Non, c'est elle qui va tirer au sort. Ah, mais bien sûr. Qui c'est qui doit lui faire son cadeau? Qui doit faire le cadeau de Méloche? C'est bon. Ce sera ton cadeau, Méloche. Mais merde. Kevin, excuse-nous, hein, c'est un petit peu la récréation ce soir. Hein. On va parler de ton premier orgasme. Mais moi, je vais poser une question à Méloche et je vais tout simplement demander à Kassim de mettre une musique de suspense. Oula, je crains le pire. Alors, vous voyez, quand je demande une musique de suspense, elle finit par arriver. Méloche, ça fait combien de temps que tu travailles à Love in Fun? Depuis début septembre. Maintenant, tu connais bien tous les mecs de l'équipe. Doc, Toto, Kassim. Le classement. Non, on va pas faire de classement. Ah si. Non. On sait pourquoi tu disais ça. D'accord. Avec la dernière standardiste, t'étais numéro 3. Ça va. J'étais numéro 3, mais de toute façon, je m'en foutais. Alors, Méloche, par ordre de préférence, le classement. Avec qui préférais-tu coucher dans l'équipe? Doc y compris. Oui. Parce qu'il est beau gosse. Ça pourrait être Doc. Mon père, presque. C'est pas possible. Ah, si, Doc y compris. Bon, d'accord, on enlève Doc. Ça, je ne fais pas prier. Il reste Coco, Kassim et Karel. Par ordre de préférence. Kevin, allez, Kevin, à ton avis, qui va mettre en premier, Kevin? Allez, moi je vote pour Coco. Coco, ouais. Et toi, Gaël, tu votes pour qui, tu penses? Karel. Ah, merci Gaël. Voilà, quelqu'un qui a du goût. Méloche, c'est parti pour ton top 3, numéro 3. Bah, je dirais Coco. Parce que Coco, j'arrive pas à avoir d'attirance pour lui, en fait. C'est, je sais pas. C'est, okay. Je sais pas, on a une relation qui troisième, fait qu'on a pas d'attirance. Coco. Donc c'est-à-dire que là, il en reste plus que deux. Attention. Le choix est terrible. Vous avez été sauvé par l'esprit de fraternité de Sabino. Voilà, c'est ça. Parce que sinon, Coco était direct en première. C'est sûr. La question fatidique. Entre Kassim et moi-même, qui tu mets sur le top 1? Ah ouais? Tu dis pas la première dauphine d'abord? Bah, on saura qui est Mister France, bon, du coup. D'accord. Bon, alors, le premier, celui avec lequel dans l'équipe tu pourrais coucher, entre Kassim et moi-même. Le plus potable, quoi. Le plus potable. Non, mais les deux sont potables. Ouais. Après, celui avec qui je pourrais coucher, ce serait Kassim. Putain, c'est pas vrai! Kassim et Miss Méloche 2018! T'as l'air très heureux, dis donc, Kassim. Là, ce soir, je te ken. Eh bien, voilà, une nouvelle fois, Kassim me passe devant. Allez, c'est la première fois qu'il gagne un truc. C'est sûr. Que... Qu'est-ce qu'ils ont toujours à mettre en dernier? Heureusement que t'as enlevé Doc. Hein. Bien sûr. Non, mais c'est... Alors, qui est... tu vois hein, jamais on me choisit, moi. Ouais, hein, ça va. Ça va, c'est bon. Bah, t'es numéro 2. Kevin, bah ouais, ne remue pas le couteau dans la plaie, elle voulait être gentille avec moi, j'en suis sûr. Kevin. Bah dis donc. Kevin. C'est dommage, t'as pas proposé Alice, un petit peu à 3, ça aurait pu être sympa aussi. Mais elle m'aurait choisi direct, mais là. Enfin. Bien sûr. Et tu sais quoi, je devrais poser la question à Alice. Oh là, non, pas de litige. Kevin. Moi, Kevin. Je prends Coco en premier. Voilà, pas de suspense. Ouais, c'est ça, ouais. N'importe quoi. Alors, Kevin, j'y crois pas. Kevin, raconte-nous ton premier orgasme. Alors, moi, c'était c'était tard, j'avais 16 ans, donc un peu plus tard que la normale, on va dire. Et je me branlais, et donc avant, je me branlais, mais j'allais jamais jusqu'au bout, tu vois, ça a chauffé, mais j'allais jamais jusqu'au bout. Ouais. Et je m'intéressais pas vraiment à tout ça, voilà. Enfin, tu frottais quand même. Tu t'y intéressais pas, mais tu te branlais quand même. Non, mais c'est juste que ça sortait pas, peut-être, au départ. Ouais, mais tu sais, nous, on a toujours la main dans le calbut et tout, donc on touche et tout, mais voilà, quoi, parce qu'il fait chaud et ça fait du bien, mais voilà. J'allais jamais jusqu'au bout. Pourquoi t'arrêtais? Qu'est-ce qui faisait que t'arrêtais? Bah, je sais pas. Ça chauffait, donc je me dis, bah, c'est pas les normal, ça chauffe, on va arrêter. T'avais pas envie de voir ce qu'il y avait plus loin. Voilà, ça m'attirait pas. Ok. Et un jour, un pote, donc j'en parlais à un pote et tout, et il me dit, mais vas-y, continue, va jusqu'au bout, tu verras, ça va sortir et tout, c'est vachement sympa. Cool, le pote. Bah ouais, écoute. Et un jour, je rentre chez moi, je me mets devant l'ordi et tout, hop, petite branlette, et ça chauffe, mais je vais jusqu'au bout, et là, d'un coup, pas. Ça part. Mais il y en avait partout. Ça faisait un arc. Ah bah, hey. Sur le plafond, sur le côté, partout. Non, c'est vrai que la première, ouais, Jacques. La première. Ah ouais, oh, putain, c'est un délire. Ah ouais. Il y en a beaucoup plus que les autres fois. Ah bah surtout à 16 ans, surtout ça a dû avoir le temps de monter et puis. Moi, surtout, si en plus ils se branlaient sans jamais aller jusqu'au bout, oui. Et quelle sensation, tu te souviens? Moi, je me souviens, mais parfaitement, la première fois que j'ai Jacques. Non, et vraiment, et tu te souviens la sensation que t'as eue ou pas? Ouais, bah carrément. Ça vient, tu sais, ça part d'en bas du ventre, et je sais pas, ça fait une sensation, c'est génial, moi j'adore, c'est pour ça que je leur fais limite tous les soirs, tu vois. Comme de l'électricité. C'est ça, c'est génial. Moi, c'est comme ça que... Alors moi, je m'étais branlé sur une cassette VHS. Hein, c'est ma mère qui enregistrait des émissions de télé, tu sais, sur magnétoscope. Et puis, c'était des cassettes de 4 heures... Elle mettait son programme à 21h ou je sais pas quoi. Ah oui. Et puis j'avais les émissions de minuit et demi, 1h du matin. Alors du coup, je me foutais ça et tout, machin. Et puis je me masturbais, mais il n'y avait jamais un qui sortait. Et puis il y a eu ce jour où cette femme, au gros sein, collait ses seins contre la télé. Tu sais, j'avais l'impression qu'elle était juste en face de moi. Moi, j'étais en train de me pougner et tout, machin. Et à un moment donné, j'ai senti, putain, que ça montait. Et là, l'explosion, je m'en étais foutu plein la gueule. Non, je suis sûr, c'est vrai. Le jour où j'ai goûté mon sperme. Non, mais il y en avait eu genre jusqu'au cou et tout, quoi, tu vois. T'étais couché. Ouais, j'étais couché. Debout. Non, j'étais pas debout. Ouais. Non, et t'as déjà foutu du sperme sur ta télé ou pas, Kevin? Non, j'essaie de viser un peu ailleurs. Tu t'es déjà masturbé devant la glace en regardant ta bite en disant, putain, c'est une belle bite. Ouais, c'est cool. Ah, ça t'est déjà arrivé? Il y a des mecs qui se branlent devant le miroir. Non, si, si, Coco, je suis sûr qu'il le fait en regardant ses, en regardant ses abdos et tout. Si, si, c'est sûr. Toi, tu fais partie de ceux qui se branlent et tout. Bien sûr, attends, je suis beau gosse, je suis beau gosse. Ouais, il se lèche le doigt et après il touche ses tétons. Ouais, c'est ça. Je suis sûr. Et tu sais quoi, genre, et Coco, moi je le vois très bien de sais porter les sous-vêtements de sa meuf et tout. Genre en soutif et il tout. Il se branle dans un string dentelle. Ouais, ouais, ouais, de c'est de sûr. Crado. C'est sûr. Ou en pensant à Méloche aussi au standard. Hein. Hein, parce que ça rapproche au bout de 3 mois. Hein. Ah bah oui. Hein. Hein, bien sûr. Kevin, reste avec nous. Il y a Gaël aussi qui veut nous raconter son premier orgasme. Bonsoir Gaël. Salut tout le monde. Alors, salut. Nous, c'est l'explosion, hein, c'est vrai, hein, la première fois qu'on éjacule. Mais pour toi aussi, Gaël, je crois que ça a été une certaine forme d'explosion. Ouais, c'est ça, grosse explosion, ouais. Avec quel âge? Comment ça s'est passé? Raconte-nous tout. Premier orgasme. Premier orgasme, ouais, ben, j'avais 16 ans, j'étais avec mon mec, on a fait notre petit truc. Et puis, j'étais à Califouchon sur lui, et puis d'un coup, j'ai eu l'impression de me pisser dessus. Sauf qu'en fait, je me pissais pas dessus. J'avais un orgasme, j'étais en train de mouiller, mais de mouiller, de tout tremper, quoi. Voilà, c'était vraiment l'inondation, la grosse fontaine. Ça a été carnage, quoi. Ah, oh, putain. Et c'est... Alors, tu t'es dit, ça va être comme ça à chaque fois, putain, merde. Mais depuis, t'es femme fontaine ou c'était juste le premier? Alors, ouais, je suis restée femme fontaine. Alors, c'est pas tout le temps, c'est vraiment quand je me laisse aller. Mais, est-ce que tu peux le retenir aller, voilà, ouais, mais après, c'est carnage, quoi. Et on peut mettre des pièces dans ton vagin pour faire des vœux? Ouais, la radio, on peut tester. Ah, parce que. C'est Trévise, c'est ça. C'est à Trévise? Oui, c'est. Ah, bah voilà. Fontaine de Trévise, Fontaine de Trévise. Hein. Voilà, un peu de culture, merci, Doc. J'ai pas dit que des conneries. Hein. Hein, c'est comme à la maison, tu sais, l'attraction des bateaux et tout, à Disneyland Paris. Il y a plein de petites pièces. Je sais pas pourquoi je raconte cette histoire. Et du coup, Gaëlle, t'es femme fontaine. Et donc, c'est un truc, tu sais quand même que quand on est femme fontaine, en fait, il n'y a pas que de la mouille, hein, y a aussi Un peu d'urine. De l'urine, hein, ouais. Un peu d'urine aussi, ouais. C'est pour ça que tu dis, je peux me lâcher ou je peux me retenir, quoi. Parce que c'est cette partie-là, finalement, que tu retiens. C'est ça. Mais voilà, alors, quand tu te lâches à fond et que tu ouvres les valves du plaisir, là, tu dois avoir des orgasmes de bâtard. Ah mais j'ai un orgasme de fou, je tremble, j'ai des frissons partout, ça fait du bien quoi, mais c'est ouais. Et ça te fait chier de changer les draps à chaque voilà. fois. Mais c'est du boulot pour le nettoyage. Ouais, après faut changer les draps, ouais. Et tes partenaires, ils ont vécu ça comment, que tu sois femme fontaine? Bah le mec avec qui ça m'est arrivé, lui il était un peu surpris aussi au début, mais après parce qu'il s'en est pris plein la gueule partout quoi, donc. Oui, forcément. Et toute seule ça t'était pas arrivé? Et toute seule non, ça m'était jamais arrivé, même maintenant, si je me masturbe seule, oui, ça m'arrive pas quoi. C'est vraiment. Moi j'ai entendu une légende qui dit que toutes les femmes sont femmes fontaines. Ouais. Qu'est-ce que dit le sexologue là-dessus, Doc Pavageau? Bonsoir. Potentiellement, mais plus ou moins. Donc après, il y en a quand même qui le sont beaucoup plus. Et je pense qu'anatomiquement, il y a certainement des choses qui doivent pouvoir s'expliquer, que certaines le soient vraiment plus. Et elles se lâchent plus aussi. J'entends bien que Gaëlle est certainement une femme qui se lâche potentiellement plus. Et en plus, elle le contrôle. Donc tu te lâches, Gaëlle. Complètement. Mais t'as bien raison, faut profiter, prendre du plaisir. Hein, c'est des plaisirs gratuits. Hein, c'est vrai, quand on est bien avec son mec et tout. Il y a quand même des femmes qui mouillent moins, et voire même certaines qui ne mouillent pas du tout. Donc c'est pas toutes qui y arrivent. Bien sûr. Et voilà, donc ne soyez pas paniqués si vous n'y arrivez pas. Hein, voilà, au contraire. C'est pas un but à atteindre et un objectif à avoir. Bah merci beaucoup Gaël, on te fait des gros bisous en tout cas. C'est cool d'avoir parlé de ta fontanité. Ouais. Bah y a pas de souci, bisous à tout le monde et bonne soirée. Gros bisous. Et le petit branleur là, Kevin. Ouais. Ah Kevin, là. Tu reviens quand tu veux toi aussi mon Kevin. Merci beaucoup d'être passé ici. Bah merci à vous et continuez comme ça et gros bisous à tous. Et bah, bisous, gros bisous à toi aussi. Attention, nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Allez vous abonner à la chaîne YouTube de Love in Fun. On grille l'infidélité de Malik, justement, sur la chaîne YouTube. Malik, dont on a eu des nouvelles hier. Mais... C'est pareil, cette émission, on prend des nouvelles tout le temps. Si vous voulez réécouter les émissions en replay, elles sont dispo sur le site de Fun, funradio.fr. On sera avec Quentin dans un instant, 20 ans de Toulouse. T'es là, Quentin? Ouais, salut. Salut, Quentin. Salut. T'appelles pourquoi, toi? En fait, j'appelle parce que ça fait 3 mois que je suis avec ma meuf et elle me suce pas, en fait. D'accord, ok, comme si c'était une obligation, c'est... tu sais, le truc. On va faire le jeu aussi, la battle ce soir. On va appeler des hôtels ce soir. Il faudra placer en moins de 2 minutes un maximum de ça me gratte le cul. Pas facile, hein. Pas facile à dire. Dans la... Oui, bon, prêt pour faire une réservation de chambre d'hôtel, ça me gratte le cul. J'aimerais pour 2 personnes, s'il vous plaît. Voilà, donc si vous voulez participer, il y a des drones, mini drones à gagner. 01 42 48 5000. Le son là maintenant, c'est le Colombien J Balvin. Reggaeton, Fun Radio. Tu parles pour moi, et ce pueblo pide. Lego, Lego, et ce pueblo pide. No se lo va a negar. Si la mujer pide, pues yo le voy a dar. Y ce pueblo pide, no se lo va a negar. Si la mujer pide, pues yo le voy a dar. Yo suénalo, pa' acá y aceléralo. Todo el mundo está abajo y se mide ese booty, pégalo. No me mates la vibra, hasta ahora y gozatelo. Métele sazón, mami, como dice tío. Ya tú sabes quiénes son, me resuelto de montón. Dios bendiga el reggaetón, amén. Hasta abajo así soy yo, Yankee Pasta me inspiró. Bajo fuerte como Ron, falda con mi pantalón bailando reggaetón. No se lo voy a negar, si la mujer pide, pues yo le voy a dar. Y si el pueblo pide, no se lo voy a negar. Si la mujer pide, pues yo le voy a dar. El reggaetón la pone friki, se pega como Kiki, como Yavia con el Wiki Wiki. La vida loca como Ricky, no te la de Pinky. Que yo te he visto fumando creep, tú sabes quiénes son, me resuelto de montón. Dios bendiga el reggaetón, amén. Hasta abajo así soy yo, Yankee Pasta me inspiró. Bajo fuerte como Ron, Ron, Ron. Y si el pueblo pide, no se lo va a negar. Si la mujer pide, pues yo le voy a dar. Y si el pueblo pide, no se lo va a negar. Si la mujer pide, pues yo le voy a dar. El negocio socio, Chibabenme. Sky rompiendo, Sky. Tiny, Tiny. Viste, viste. J Balvin, Reggaeton sur Fun Radio. 01 42 48 5000, appelez Karel, Alice et Doc Pavageau. De 22h à minuit sur Fun Radio. Love in Fun sur Fun Radio, merci beaucoup d'être avec nous. On va accueillir Quentin, il a 20 ans, il est à Toulouse. Salut Quentin. Salut Karel, salut Alice et bonsoir Doc. Salut. Salut. Bonsoir. Salut Quentin. Alors, Quentin, tu me fais peur, hein. Je te le dis direct. T'arrives tout à l'heure, tu me dis ouais, ma copine elle veut pas me sucer, ça fait 3 mois que je suis avec elle. Pourquoi ? C'est quoi le problème, Quentin ? Bah, pour moi, ça, voilà, ça me paraît un peu normal. Je veux dire, voilà, ça fait 3 mois qu'on est ensemble, on s'aime, on fait plein de positions et. Pour moi, sucer, déjà, c'est la base. Donc, déjà, au bout de 3 mois, après plein de positions. Sucer, c'est la base. Et tu fais des cunis? Bah, tu fais des. Ouais, tu... ouais bah, ah, ça, j'adore ça. Ça ah, j'adore. Et elle aussi. Ça, ouais. Aussi, j'adore ça. Et puis, elle, du coup, non, elle me. Voilà, elle me suce pas, quoi. Elle te suce pas. Ouais. Et elle te dit pas pourquoi, pourquoi voilà. Ouais, t'as posé la question? Peut-être que tu peux l'habiter. Non, justement, je sais pas, en fait. J'aimerais bien lui en parler, mais voilà. Elle est trop grosse. Il n'y a pas que le sexe ou autre, je veux dire, parfois, voilà, vous voyez ce que c'est, genre une petite pipe par-ci, une petite pipe par-là, ça fait toujours du bien, quoi. Non, mais il n'y a pas de problème, et la pipe au réveil. Ou alors la pipe pendant la nuit. Putain, la pipe mais par surprise. Mais t'en as jamais parlé avec elle? Tu lui as jamais dit, oh, mais pourquoi tu me suces pas, ou t'aimes pas ça, ou ça te dit, on fait un 69? Tu vois, genre, si t'as l'habitude de lui faire des cunis, tu peux tenter le 69, ouais, t'en as jamais parlé avec elle du tout. Ouais, non, enfin, c'est vrai que j'ai pas trop osé en parler. Bah, elle voilà. A peut-être ses raisons. Communication. Ah ouais. Elle avait une fois essayé, mais je crois qu'elle a, enfin je sais pas, elle a pas trop voulu. Après, je sais qu'elle a fait beaucoup avec ses ex, donc je sais qu'elle est, elle est déjà avenante par elle-même, donc je me suis dit, si vous elle en parlez alors que... Bah oui, vous en avez parlé. Ah oui. C'est bizarre ton truc là, parce que elle t'a jamais fait de pipe, mais elle faisait des pipes à ses ex. Et tu es au courant. Ouais, bah voilà, elle m'a raconté toute sa vie avant. Elle m'a dit ouais, voilà, j'ai sucé plusieurs fois. Donc, j'ai sucé Michel, André. Peut-être que c'est pas vrai et qu'elle sait pas comment s'y prendre. Hein. Bah ouais. Ça se trouve. Je sais pas. J'aurais bien lui, voilà, lui en parler, quoi, enfin, savoir un peu, ou même des conseils par rapport à vous. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'elle me mène en bateau? Est-ce que, enfin. Et il y a des filles qui le font pas. Hein. Oui, il y en a qui aiment pas ça, mais là, ça a pas l'air d'être le cas puisqu'elle l'a fait à d'autres. Peut-être que ton sexe a une particularité qu'elle n'aime pas. Je sais pas. Bah, après, la mon taille. Sexe, c'est normal, quoi. Et c'est quoi On va lui demander. Elle fait quelle taille ta bite? Du classique, hein. C'est du aller 15, 16, 17. Hein. Ça dépend. Oui, bah à voilà. Degré de sang on est, quoi. Bien sûr, tout à fait. Peut-être qu'elle, elle sait pas si tu aimes ça ou pas. Si vous en avez jamais parlé. Ouais, mais je sais pas. C'est que voilà, je suis quand même un cheval lapin, que j'adore ça. Donc, enfin, j'adore tout, quoi. On appelle Noémie. Mais allez, vas-y, ouais. Appelons Noémie. Tu veux lui parler? Je savais pas qu'on avait son numéro, moi. Tu lui parles, mais bien sûr, on a tout. Ah, bah voilà. Noémie, on l'appelle. Je veux lui parler, d'accord? Ça marche. Ok, cool. Lui demande pas de te sucer. Ce serait malvenu. Allô, bonsoir, pourrais-je parler à Noémie? Oui, je suis là. Salut Noémie, je suis un copain, Quentin. Je te dérange? Oui, ça se Ça va Noémie? Oui, mais c'est qui? Bah, je vais t'expliquer, en fait. J'étais avec Quentin en soirée et il m'a raconté que tu voulais pas le sucer. Non, mais c'est qui là pour me poser une question comme ça? Bah, je m'appelle Michel. Mais attends, mais je comprends pas. Oui, j'aime pas sucer, et alors? Ah, pourquoi? Parce qu'en fait, on était en soirée et tout, on s'est parlé tous les deux, et puis il m'a raconté cette histoire. Non, mais... Du coup, je l'ai sucé. D'accord. Oh, d'accord, ok, bah écoute, c'est un plaisir. Mais non, moi je le sucerai pas, parce que... Bah, il vous a dit pourquoi je le suce pas? Non, il nous a pas dit, non. Ah, bah faudra peut-être lui poser la question. Ah bah alors on va lui poser la question, Quentin. Quentin, tu nous as pas dit, hein? Parce que tu es en direct sur Fun Radio, Noémie. J'ai oublié de te dire ça, c'est un détail, hein, mais t'es dans toute la France. C'est là. Un détail. Mmh. Avec voilà. Michel et compagnie. Okay. Avec, voilà, moi c'est Michel. Il y a... Cunégonde. Cunégonde et... Garance. Doc s'appelle Garance. Ok. Doc Garance. Garance, Michel, Cunégonde étaient dans Love in Fun. Voilà. D'accord. Et on est avec Quentin qui nous a dit voilà, je vous appelle parce que je comprends pas, ma copine ne m'a jamais sucé en 3 mois et pourtant moi je lui fais des cunis. Qu'elle l'a fait avant à d'autres. Ouais, et puis. Mais elle a ses raisons apparemment. Pas à lui. Et Noémie, est-ce que tu acceptes ce soir de dire pourquoi tu ne veux pas sucer Quentin? Mais t'as le droit. Pas de problème s'il insiste. Ah bah. J'aimerais bien savoir, ouais, j'avoue. Oui, effectivement, je faisais des fellations à mes ex. Mais la différence entre mes ex et toi, c'est que eux, ils se lavaient. Ah oh. Tu plus d'habitude, je l'avais dit, tu plus d'habitude. Oh mais c'est horrible ça. Putain, mais alors, franchement, Noémie, pas cool. Pas cool, franchement. Bah, alors, pourquoi pas cool? Attends, pas cool. Excuse-moi. Tu lui as jamais dit? T'as quand non, tu... Mais attends, à un moment donné, le pélo, il se lave pas. Le pas pélo, beaucoup, c'est ton mec. Mais le pélo, il te la met dans le vagin quand même. Tu l'acceptes dans attends, le vagin? Je suis d'accord avec lui. Attends, tu es d'accord? Ok, on couche ensemble, mais il y a un préservatif. D'accord. Et une lingette. Il y a un préservatif. Et une lingette. Mais pourquoi tu lui dis pas? Mais, enfin, je sais pas, je trouve ça le bon sens à un moment donné qu'il se lave. Parce que je suis. Je sais pas, franchement. Mais je me lave, qu'est-ce que tu racontes? Je sais pas, abuse pas non plus. Bah, elle a peut-être une forte odeur. On sent la vexation. Tu veux pas non plus que je t'affiche par rapport à ce qui s'était passé la dernière fois? Oh! Tu vas être obligé de le dire. Le dossier. Le dossier. Bah, il faut qu'on sache. Noémie, t'es obligé de nous dire. Je suis désolé, Quentin. On va trouver des solutions pour Quentin pour que ça sente moins fort. Bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une petite. Petit accident? Petit accident. Bah, on a couché ensemble. Ok, tout va bien. Monsieur a éjaculé. Ok, comme tout le monde, hein. Oui. Ok. Donc du coup, il a même pas été se laver. Il a été directement joué. Bon, allez, ok. Quoi? Il a éjaculé, mais genre où il a éjaculé? Il a enlevé la capote, au moins. Bah oui, il a enlevé sa capote. Ça aurait été drôle. Quel but? Et il a été joué. D'accord. Ok. Moi, franchement, je suis partie. Je suis revenue le lendemain. le gars s'était même pas lavé et limite sur son sgeg, il y avait encore des grumeaux. Des gros des grumeaux. Des grumeaux, t'as cru que mon sperme c'était une pâte à crêpes ou quoi? Je sais pas, quand je t'abuse, franchement, non mais elle abuse un peu. Voilà, je me lave peut-être pas tous les jours, mais au moins une fois sur deux parce que voilà, j'ai. Faut quand même un peu économiser la flotte et tout. Et puis même, c'est pas. Souvent chez moi, je bouge pas trop. Donc voilà, je suis pas forcément la cité. Enfin, je transpire pas. Donc c'est pas non plus grave, grave. Bah, elle abuse quand même. Tu transpires des piquettes. C'est possible, ça, Doc, de transpirer du sexe? Bah, on transpire de partout, on transpire pas du gland, ça non, parce qu'il n'y a pas de gland sudoripare à cet endroit-là, mais on transpire autour. Mais Quentin, ce que tu peux faire, si tu ne te laves pas en entier, bah, au moins tu laves ça tous les jours. Là, c'est clair. C'est parce que même un jour sur deux, non, tout de suite. Surtout avant une fellation, quoi. Voilà. Ouais, mais moi, je ne le remarquais pas, il aurait pu m'en. Mais oui, bien sûr. Oui, Quentin, enfin. Si personne ne lui dit, effectivement, il ne va pas changer. Donc, fallait juste lui dire, gentiment, doucement. Et puis, après, s'il ne le fait pas, effectivement, voilà, là. Il est lingette. Je sais pas, c'est. Ça fait 3 mois qu'on est ensemble, donc je vais dire ça. Je suis super crade avec tous les mecs que tu as sucé aussi, je sais pas. Quentin, j'ai une question à te poser. Acceptes-tu ce soir de promettre, et notamment à l'approche des fêtes de fin d'année et de Noël, ça peut être un beau cadeau de Noël. Ah, grave, on a trouvé le cadeau. De laver ton sgeg au minimum une fois par jour. Ah bah oui! Ouais, je promets, ouais. Et même si tu le laves le matin, c'est pas pour ça qu'en fin de journée, ça va pas avoir une petite odeur, quand même. Alors, du coup, j'ai une question aussi. Oui, vite. Du coup, si je promets de faire ça, est-ce que Noémie, tu me suceras alors? Non, mais. Ah, putain. Allez, Noémie. Je suis fort sur ça. Franchement, si je vais en bas et je vois que ça pue pas, que c'est nickel et que c'est clean, ok. Mais fais des efforts sur plusieurs jours et on verra. Elle a dit oui! La pipe de Noël. Calmez-vous. Alors, on se réjouit pour une fellation quand même. Hein. Mais pas que. Et on prendra des nouvelles de Quentin pour savoir s'il a eu sa pipe pour Noël. Voilà. Merci beaucoup. Gros bisous, Quentin, Noémie. Salut, les amis. Merci. Ciao. Et il est content, Quentin. Allez, salut. Bah oui, je vais me laver la bite et je vais me faire sucer. Salut. Gros bisous. Dans un instant, on va jouer la Battle Love in Fun. Ce soir, on va appeler des hôtels. Et il va falloir placer en moins de 2 minutes un maximum de ça me gratte le cul en réservant une chambre. Ça me gratte le cul à dire un maximum de fois en moins de 2 minutes. Ce sera pour Loïc et pour Fanta. Vous êtes là tous les deux? Ouais. Fanta, c'est quoi ce prénom, Fanta? Je veux dire qu'il est original et que je ne m'appelle pas Morgane comme les gens de Bretagne. Voilà. Mais tu t'appelles vraiment Fanta? Bah, bien sûr. Oh, c'est bien cool, sûr. Stylé. Ouais, carrément. Ouais. Allez, tout de suite, elle nous agresse et tout, quoi. Allez, vous restez avec nous. Et on va revenir avec Cashmere Magic. À tout de suite. Nouveau son dans la playlist Fun Radio. Lucas and Steve. Kaigo. Les meilleures nouveautés démarrent sur Fun Radio. Le son Dance Floor. Et Adrien, ça y est, je l'ai trouvé. Oh JB, c'est sympa, t'as pensé à mon cadeau de Noël? Oui, mais pas que. Ah ben là, je vois pas. J'ai trouvé mon Sam. Ton Sam? Oui, Sam, celui que tu désignes avant de sortir et qui te ramène de soirée. Sam, le super pote qui ne boit pas et qui conduit au retour pour t'éviter de rentrer à pied. Ah bah respect, Sam, mais c'est qui? Bah c'est toi, Adrien. Ah cool. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Retrouvez Sam, le conducteur désigné, sur Facebook. Pour Noël, les couples de scènes de ménage ont décidé de mettre le paquet. Et ils ont bossé dur. Est-ce que t'es dans le coup, Huguette? Oh bah mais bien évidemment que je suis dans le coup, évidemment. Au menu de ce réveillon pas comme les autres, du rire, des invités et de la mauvaise foi. On se fait chier en fait, non? Bah hé, Marcel, c'est Noël. Inédit, scène de ménage, ça sent guirlande pour Noël, c'est demain à 21h sur M6. Oh, M6. Fun Radio présente Mala en concert. Mala de retour en France pour son illégal tour en février 2019. Le 7 à Lille. Le 8 à Lyon. Le 9 à Nantes. Le 14 à Paris. Le 15 à Strasbourg. Et le 16 à Toulouse. My conversation is cash money. Infos et réservations, point de vente habituel. Mala en concert avec Fun Radio. Le son Dance Floor. Retrouvez toutes les fréquences de Fun Radio sur funradio.fr. Show me that you're brave enough. I wanna see you at your worst. Let me in all your secrets. I wanna feel your every word. Promise that I'm strong enough. I'll tell you if it gets too much. You can know my every weakness. So let me feel your every word. Don't go holding back. No, I ain't got time for that. If you wanna get this love, say what you wanna, what you wanna. Battle tous les soirs, on fait une nouvelle battle et tous les soirs on vous offre vos mini drones au 01 42 48 5000. Nous allons accueillir nos deux candidats ce soir et on va commencer par Loïc. Il a 25 ans, il est de Lyon. Bonsoir Loïc. Salut la famille. Salut Loïc, bienvenue dans Love in Fun et ce soir Merci. Tu vas être opposé à Fanta, 20 ans de Paris. T'es là Fanta? Oui, salut à tous. Salut Fanta. Alors j'ai posé une question sur ton prénom, Fanta. Je me suis fait agresser. Hein, j'ai l'impression que c'est un sujet tabou. Hein. Non. Parce que j'imagine que quand on s'appelle vraiment Fanta, on doit en avoir marre d'avoir tous les jours des petites réflexions au quotidien. T'as soif? Non, bah, moi, je pensais à la rigolade et je te taquine, Karel, mais parce que j'écoute votre émission depuis plusieurs années, donc franchement, c'est vraiment un kiff. D'accord, vraiment, mais t'es en XL ou menu maxi? Mais n'importe quoi. Est-ce que tu bulles? Putain, mais ils sont vraiment limités, hein. Je suis désolée, Fantin. Moi, je trouve ça stylé. Tu sais, tu sais, Fanta, à un moment donné, tu sais, il faut partir en vacances. Parce qu'on sent qu'on est un peu fatigué, ouais. Qu'on est un peu sur le bout de l'autoroute. Hein, tu vois, on arrive sur une route à sens unique, là. Oui, franchement, si vous pouvez continuer tout le temps, ça serait cool. Ah ben, tu sais quoi, la semaine prochaine, franchement, on va se régaler. On sera en best-of toute la semaine prochaine. Vous aurez les meilleurs moments de Love in Fun là depuis 3 mois. Oui, Kassim. J'ai une question à poser à Fanta. Quand t'es malade, tu vas voir Dr Pepper. Oh, c'est nul. J'adore. Kassim vous fait des blagues sur l'Instagram. Hein. N'hésitez pas aussi à aller mater tout ça. Ce soir, Fanta face à Loïc. Les amis, on va se marier. On va appeler un hôtel. Hein. On va faire un jeu, qu'on aime beaucoup, qu'on a déjà entendu en radio. Nous, on pique pas les jeux. Hein. On le dit ouvertement. Hein, c'est un jeu où en fait. D'accord. Vous allez tout simplement appeler des hôtels, d'accord? Chacun à votre tour. Vous aurez 2 minutes pour sortir pendant la conversation, parce que vous allez forcément réserver une chambre, un maximum de « ça me gratte le cul » pendant la conversation, okay. Sans que la personne vous raccroche à la gueule. Alors, c'est chaud, oui et non. Je veux dire, c'est pareil, si t'es un artiste et que t'as du talent, pour toi, ça va être une formalité. Après, si tu galères, ouais. Tu peux te faire accrocher au bout de 2 secondes. C'est tout le talent et celui qui va vous permettre de gagner votre mini drone. Qui veut commencer? Peu importe. Eh ben c'est toi, Loïc. Honneur aux femmes, c'est toi qui commence. Loïc, alors tu préfères un hôtel de charme ou un hôtel grand luxe? Ouais, de charme. Un hôtel de charme. On va à Rennes. On va à Rennes, en Bretagne. C'est là où on avait été quand on est allé à Rennes. Hein. On a bien dormi dans cette chambre. Ah oui. J'avais toqué à la chambre d'Alice. J'avais pas répondu quand sans quelqu'un réponse. Avait toqué. On va à l'hôtel Nemours. T'es prêt, Loïc? Allez. 2 minutes, ça me gratte le cul. Ok. Hôtel Nemours, meneur, bonsoir. Oui, bonsoir, je vous appelle car j'aimerais réserver une chambre, s'il vous plaît. Attendez, ça me gratte le cul. Oui, une chambre, s'il vous plaît, pour 2 personnes. Pour quand? Pour demain. Ça me gratte le cul. Nous sommes complets. Demain. Comment? Nous sommes complets. Et jusqu'à, après-demain, ça me gratte le cul. Après-demain? Après-demain, il y a des chambres disponibles qu'à partir de vendredi. D'accord, parce que ça me gratte le cul, là. Le vendredi, et vendredi à quelle heure? Ah. Oui, il a raccroché. Ah bah oui. Je commençais à m'y attendre. Ah oui, il faut un peu changer de discours à un moment donné, parce que on avait compris. Ouais, j'essayais de. Ouais, j'avais pas trop d'inspiration. Là. Alors combien de ça me gratte le cul? 4. Ouais. Ça chie. Ouais, ça va. Ça aurait pu être pire. C'est mieux que rien. Fanta. C'est pas terrible. Oui, c'est pas terrible. Fanta, t'es prête? Oui. Donc on va appeler un hôtel. D'ailleurs, j'étais sorti avec une fille qui bossait à cet hôtel. Elle s'appelait Alexandra. On va appeler l'hôtel Pininsula à Paris. Ça fait au moins 2 ans que j'ai pas de nouvelles. Pininsula. Ouais. Alexandra. Imagine qu'on tombe sur elle. Ouais. Voilà. Le Pininsula Paris, Alexandra, bonjour. Bonjour. Excusez-moi, j'appelle un peu tard. Y a pas de souci. Ça dépend pourquoi. C'est justement pour réserver une chambre pour la fin de semaine. Alors d'accord, oui. La réception va vous aider un instant. Ah d'accord, très bien. Ah, j'hallucine. Elle est tombée sur elle. Elle a une jolie voix. Ouais, c'est vrai. Elle est pénible. Et Fanta. Allô? Allô? Oui, allô? Non, t'as mis en attente là. Ah oui, voilà. Ça va aller. Sinon, on va préparer un autre hôtel. Parce que ça m'a stressé de retomber sur Alexandra. Quel gros mytho! Ça s'était mal fini. La réception, bonsoir, comment puis-je vous aider? Bonsoir, alors vous pouvez m'appeler Madame Claire. Et je voulais réserver une chambre double pour la fin de semaine en fait. Oui, il faut appeler demain madame à partir de 9h. Parce que pour l'instant, là, apparemment, la réservation est à faire. En fait, il y a un petit souci. Je voulais savoir vraiment comment vous avez vos draps, parce que je fais des allergies, en fait. Quel type d'allergie, madame? Un gratte le cul. Un gratte le cul. Quoi? Un instant. Ça me gratte le cul. Ah stop, on arrête. Fanta, on va appeler un autre hôtel parce que là il te bascule. Voilà, vous voyez hein, les hôtels okay. Grand luxe hein, au final. Hein. Bon, alors Fanta, on appelle un autre hôtel, d'accord? Ok. Ok. Mmh. Et on est reparti. Ok. On te donne une nouvelle chance. Allez, on appelle un autre hôtel. Là, c'est parti. Merci. L'hôtel Noailles à Lyon. Allez, hop, c'est parti. Hôtel de Noailles, Damien, la réception. Bonsoir. Bonsoir, alors je voulais réserver une chambre pour la fin de semaine, vers vendredi. Ah, on est fermé. Le vendredi? Oui, oui, oui. Et vous ouvrez quand, alors? L'hôtel est fermé parce que il est fermé pour travaux et pour vacances. Voilà, donc Coco, il choisit le seul hôtel qui est fermé ce week-end, quoi, sans déconner. Bonne soirée, l'hôtel Noailles, à bientôt. Bonsoir. À bientôt, bonsoir. Voilà, fallait ouvrir, hein, sinon on aurait réservé une chambre. À bientôt. Alors, Fanta, on rappelle un troisième hôtel pour toi. Merci. D'accord. On t'en prie, tu comprends Loïc, hein. Je veux dire, si c'est même pas possible de réserver une chambre. Quatre, je rappelle. Quatre, ça me gratte le cul à battre. Fanta, l'hôtel Gastama à Lille. Voilà, je rappelle que ce sont des hôtels sélectionnés par Coco. Donc forcément, hein, c'est la merde. Hôtel Gastama, Charlie, bonsoir. Bonsoir, je voulais réserver une chambre la semaine prochaine vers lundi, si c'est possible en fait. Alors, je vais regarder ce qu'on a en disponibilité. D'accord, parce que en fait, je voulais avoir quelques infos, parce que je fais des allergies et je voulais savoir comment étaient vos draps en fait. Alors, là, j'avoue, en fait, c'est quoi comme allergie que vous avez à des détergents En fait, je fais un peu d'eczéma, donc des fois, ça peut me gratter au niveau des épaules, au niveau des poignets. Tout ça. Et mais c'est causé par quoi? Parce qu'après en fait les draps ici donc c'est. Ça peut être la lessive, mais bon à la rigueur c'est pas très grave. Vu qu'en fait je viens en déplacement pour le travail, je fais une thèse en fait. Et je voulais savoir combien vous avez de prises dans les chambres. De prises, alors normalement il y a une prise électrique par lit. D'accord. Normalement, vous avez votre petite prise indépendante si vous voulez travailler un peu, tout ça. Ah, très bien. Parce que justement, je viens dans la région parce que je suis une thèse en fait sur l'ADN. Et justement, il y a un gène qui vient d'être découvert par des chercheurs top, de votre région. Top, mais c'est n'importe quoi. Fanta, je te coupe parce que franchement, t'as dépassé le temps. T'as eu 15 occasions de dire ça me gratte le cul. Et. Genre je fais des allergies, bah oui parce que ça, s'il y a des draps voilà qui sont pas, ça va me gratter le cul tu vois. Et là t'avais plein de chances pour le dire. Tu l'as dit une fois mais en tout petit en mode ça me gratte le cul et on l'a quand même accepté parce qu'on est sympa. Alors allez, c'est quoi, on va quand même vous montrer que ça peut fonctionner. On va appeler un hôtel, c'est Alice qui va réserver une chambre. Si c'est parti. Non mais attends, je suis sûr qu'Alice elle va réussir à le faire. On appelle un hôtel. Prenez-en de la graine, les amis. Hein. On appelle l'hôtel Mercure à Deauville. Nous allons bientôt prendre votre appel. Réserve une chambre pour un petit week-end avec moi, Alice. Bienvenue, Mercure Deauville Centre. Aurélie, bonsoir. Oui, allô, bonsoir, Aurélie. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Ah, super. Moi, ça me gratte un peu le cul, mais tout va bien. Alors, je voulais vous poser une question. Est-ce que vous avez des disponibilités au cours de la semaine prochaine? Oui. D'accord. À quelle date, à peu près? Attendez, ça me gratte le cul. C'est insupportable. Oh, deux! Ah, tu vois ? Oh, deux. Elle était pas deux. Sympa, cette Aurélie. C'est une victoire de Loïc ce soir. Bravo, oui. Loïc. Super, merci. Bravo. J'y croyais pas, pourtant. Elle m'a raccroché au bout de 10 secondes, je crois. Hein. J'ai pas eu longtemps, cette petite Aurélie. Je suis meilleur que toi, Alice. Ah, bah oui. Hein. Ouais, bah alors franchement, vous êtes pas foufou, hein, tous là. Hein. Non, ah, c'est non. Vrai que la stratégie n'est pas très bonne. Bon, et bah écoute, Fanta. Mais alors, ouais. Fanta, et tu sais quoi, je pense que tu vas avoir une chambre de réservée dans, dans les deux hôtels là. Oui, bah oui, ça c'est bon là, je suis. Après, ça dépend du client sur qui on tombe. Hein. Et, parfois, c'est plus facile que d'autres. En attendant, Loïc, c'est toi qui repars avec ton mini drone. Félicitations. Super, et, merci la famille, c'est gentil. Et merci Fanta, tu nous as dit que tu nous écoutais depuis longtemps. Merci beaucoup. On va te régaler avec un petit pack Loving Fun. Un petit pack des familles. Hein. Salut Fanta, gros bisous à toi. Et salut Loïc. Ciao les amis. Salut les amis. Gros bisous. Dans un instant sur Fun Radio, on va prendre des nouvelles de Sam. 17 ans d'Evreux. T'es là, Sam? Ouais, je suis là, ouais. Vous m'entendez? Ouais, ça va bien, mon Sam. Ça vas nous filer des news. On vous reprend souvent hein, sur l'antenne pour avoir des nouvelles de vous. Tu vas nous expliquer tout ce qui s'était passé pour toi dans un instant. On réécoutera d'ailleurs pour ceux qui n'étaient pas là. Restez bien ici sur Fun Radio et montez le son. Voici Sound of Legend. All That Sucked Down. Of Legend, All That Sucked Down sur Fun Radio. Du sexe, de l'amour et du fun. Loving Fun. 01 42 48 5000. 22h minuit. Sur Fun Radio. Loving Fun sur Fun Radio, l'Instagram de Fun Radio avec une petite photo, allez liker et dites-nous si vous ouvrez les cadeaux de Noël le 24 au soir ou le 25 team au matin. 24. Team 24, Alice. Mais oui, Team 24. Il y en a team plein. 25, team 25. Mais non, il y en a plein qui sont comme moi. Moi, c'est Team 24-25. Ah, 23h59 minuit. C'est quoi, ça, tu moi vois. Aussi. Toi aussi, Doc. Hein. Ouais, à minuit. Même si on fait ça entre amis, on attend minuit. Ouais, voilà, c'est sympa ça. Pour les enfants. Non, mais attends, mais s'il n'y a pas d'enfants. Des cadeaux pour adultes. Après, c'est toujours pareil. Hein. les enfants, enfin déjà là, voilà, on peut le dire. Hein, non. Les... Non. D'accord. Ah, ok. Oh, non, j'ai. Bah, attends, ça va. 23h36. Le normalement, les enfants à 23h36 oui. N'écoutent pas Fun Radio. Sont tous couchés. Et, alors, hein, et si les parents écoutent le podcast dans la voiture le lendemain matin. Ouais. Qu'est-ce qu'ils vont dire ? Non, non, mais t'as raison, la magie du Père Noël, c'est la magie du Père Noël, je suis d'accord. Donc, vous attendez bien tous le 25. On va tout de suite accueillir Valentin pour une question à la con. La question à la con de Love in Fun sur Fun Radio. Bonsoir Valentin. Bonsoir Clacarel, salut tout le monde, salut toute l'équipe. Salut. Salut. Team 24, Team 25. Team 25. Team 25. Ah, le matin de Noël. Mais tu dors pas de la nuit, t'es trop stressé, t'es pressé là. Mais c'est génial, tu te réveilles le matin du 25, t'as forcément, t'es heureux comme toi. Ouais, sauf si tu te réveilles avant tes parents. Bah tu te réveilles avant tout le monde exprès. Justement. Bah ouais, et puis là personne n'a mis les cadeaux parce qu'ils sont encore en train de dormir. Putain, mais si on la connaît l'histoire. Ah, si, je vois pas où est le problème puisque le Père Noël est passé, Alice. Bah ouais, bah non. Alors Valentin, t'avais une question à la con à poser ce soir dans l'émission. Oui, effectivement. En fait, il y avait une question. Est-ce que quand on pète et qu'on retient genre un thème genre grave longtemps, est-ce que ça peut genre on gonfle et on s'envole ou une connerie dans le genre ou pas? Alors non, mais retenir c'est son caca, son pet, son pet, c'est son pet. Ah mais moi j'ai envie de poser la question. Les deux en fait, Doc. Si tu te constipes toi-même. Non mais c'est-à-dire que si tu retiens ton pet, est-ce qu'effectivement toutes les bulles dans ton corps peuvent te permettre de t'envoler, Doc? Non, pas du tout, non. Heureusement, hein, heureusement. Non. D'accord. Il y en a plein qui se fait en l'air là déjà. Ah non, ouais. Bah non. Non, mais... ça s'évacue autrement. De toute façon, ça va sortir autrement de toute manière. Ça peut sortir par la bouche. Ouais, notamment par la bouche. Oui, on avait lu une étude comme ça qui expliquait que t'avais les gaz qui forcément, bah quand tu retenais trop longtemps un P, les gaz se rééchappaient par voie orale. En général, d'ici là, t'as déjà au moins la distension de l'intestin qui retient de plus en plus de gaz. Ça va tirer dessus, ça va faire mal déjà. Donc bon, en général. Voilà, et ne alors, pas retenir. Péter, c'est la santé. On péter, voilà, c'est la santé. Tout à fait. C'est alors, normal de produire des gaz. Et alors, si on retient son caca, donc si on se constipe tout seul, qu'est-ce qui peut se passer? Je veux dire, au bout d'un moment, il va falloir sentir le truc à la main. Quoi. Ça peut se boucher, effectivement, et faire une occlusion intestinale. Ah oui, donc voilà, ça c'est... Et donc ça, c'est une urgence chirurgicale. D'accord, donc ne retenez pas votre... Laissez faire la nature. Au bout de combien de temps ça peut faire ça, en fait? Il faut quelques jours. Ah ouais. Attends, Doc, c'est paniquant ton truc là. Attends, c'est déjà arrivé. C'est fait exprès. Plusieurs jours. On a une auditrice qui a fini à l'hôpital comme ça, qui nous avait appelé parce que pendant une semaine, elle s'était retenue parce qu'elle était chez son mec et elle voulait pas faire caca. Et au final, elle a fini à l'hôpital carrément. Putain, ouais. C'est ouf. C'est vrai, ça. Je me rappelle de cette histoire. Non, nous, on s'inquiète pas avant une semaine chez les gens qui sont constipés. Mais voilà, au bout d'une semaine, faut s'inquiéter. Donc, c'est pas à faire. Faut laisser faire la nature. Ça doit sortir, ça sort. Voilà. Et ben, c'est quoi, Valentin, se faire un petit débat sur le caca, la santé, l'épaisse envolée, eh ben, c'est grâce à toi. Merci beaucoup pour cette question à la con, Valentin. Merci à vous. Et Team 25. Team 25. Ouais, team 25. Salut, Team 25. Ceux qui ouvrent les cadeaux Noël le 25, ouais, bien sûr. Sam, 17 ans d'Evreux. Sam. Ouais, ça va? Ouais, salut. Team 24, Team 25. Team 24. Team 24. Ouais. Rappelle-nous, Sam, pourquoi tu nous avais appelé pour comprendre tes nouvelles ce soir? Alors parce que j'avais ma meilleure amie qui me répondait pas depuis peut-être plus de 2 semaines et je me suis posé la question pourquoi et on a téléphoné et voilà. Et elle a, dans un instant vous allez tout savoir. Et ouais, on va réécouter, tu vas nous dire justement ce qui s'est passé après l'appel là, sur Fun Radio. Cashmere va arriver avec Magic. A tout de suite sur Fun Radio. Suivez-nous sur Instagram en tapant Love in Fun. À 7h10 et 8h10, Bruno paye vos factures. Quel est le seul animateur radio qui paye tes factures? C'est Bruno dans la radio. Oh, j'ai 21 ans aujourd'hui. Mais non. Et joyeux anniversaire. Happy birthday. Oui, ça se dit. Merci. 198 € et 52 centimes. Qu'est-ce que c'est? Une réservation Airbnb pour aller à Strasbourg. Tu sais quoi, je te paye cette facture de Airbnb. C'est gentil, je les écoute tous les matins. Et puis ça m'éclate. Eh ben Lucie, tu vas pas pleurer, chouchou? Oh non, non. Non, non, je rote. Reviens demain sur Fun Radio. Et à Adrien, ça y est, je l'ai trouvé. Oh JB, c'est sympa, t'as pensé à mon cadeau de Noël? Oui, mais pas que. Ah ben là, je vois pas. J'ai trouvé mon Sam. Ton Sam? Oui, Sam, celui que tu désignes avant de sortir et qui te ramène de soirée. Sam, le super pote qui ne boit pas et qui conduit au retour pour t'éviter de rentrer à pied. Ah bah respect Sam, mais c'est qui? Bah c'est toi Adrien. Ah cool. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Retrouvez Sam, le conducteur désigné, sur Facebook. Fun Radio présente la soirée Party Fun Club au Presse Club à Moulins dans l'Allier. Salut tout le monde, c'est Adrien Thomas, je vous retrouve près de chez vous pour une énorme soirée Party Fun Club. Samedi soir, Party Fun Club by Adrien Thomas au Presse Club à Moulins dans l'Allier. C'est avec Fun Radio. Le son Dance Floor. 01 42 48 5000. Appelez Karel, Alice et Doc. 22h minuit sur Fun Radio. Mia sur Fun Radio. De 22h à minuit. Lovin Fun. Du sexe. De l'amour. Et du fun. Sur Fun Radio. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez là en ce moment, merci beaucoup en tout cas d'être avec nous. Nous, on est là tous les soirs, du dimanche au jeudi. Une émission différente, une émission où vous pouvez venir parler librement de tous les sujets. Hein, clairement, il n'y a pas un moment où on va vous dire au standard, ah non, ça, on n'en parle pas. Si vous avez vraiment un truc à dire, venez ici sur Fun Radio. Franchement, c'est une vraie libre antenne. On est très fiers de ça d'ailleurs et de pouvoir vous donner la parole sur Fun Radio. 01 42 48 5000. Alors, on prend aussi de vos nouvelles régulièrement dans l'émission. Ça va être le cas avec Sam, la 17 ans d'Evreux. On l'a eu hier au téléphone, Sam. Il nous a expliqué sa situation. Voilà, je me suis même pas embrouillé avec ma meilleure amie, mais j'ai plus de nouvelles depuis 2 semaines, hein, Sam. Ouais. On va quand même rappeler un petit peu la situation. Réexplique-nous, juste avant qu'on réécoute à l'antenne, hein, quand on l'a appelé, parce qu'on l'a appelé cette fille en direct, et ouais, vous allez vite comprendre qu'il y avait des raisons. Mais toi, Sam, tu lui avais dit, hein, qu'il y avait un petit peu plus que de l'amitié pour elle. Ouais, bah ouais, je lui avais dit clairement que je la kiffais, mais donc le souci, c'est qu'on se l'est jamais dit, en fait. Enfin, mais je l'avais jamais dit, je l'avais jamais clairement dit. C'est ça. Tu sous-entendais un petit peu. Ça faisait, ouais, voilà, ça faisait des années que vous connaissiez, hein.

S'il revenait sur ses erreurs, s'il se corrigeait, s'il faisait mieux. Ouais, c'est vrai. Il a le droit à l'erreur aussi. Ah oui, Sam, t'as le droit à l'erreur, Sam. Hein, Sam? Ouais. Hein? T'en penses quoi, toi? Est-ce que c'est vrai que t'es un petit mytho? T'as mitonné un peu, Sam? Mais non, avant j'étais un jaguar, c'est tout. Mais je me suis calmé. Mais elle a du mal à le comprendre. Ça veut dire quoi, un jaguar, pour ceux qui comprennent pas? Ça veut dire qu'il papillonne, quoi. À droite, à gauche. Je rôde, quoi. Ouais, tu rôdes. C'est trop grave. Ouais, malheureusement. Un dragueur qui aime se faire désirer, quoi. Oh putain, Sam, non. Oh putain. Mais c'est ça qui t'a saoulé? Ouais, Cassandre, c'est ça qui t'a saoulé, quoi. Non, mais c'est trop de choses. Arrête, il est mignon comme tout. T'as vu comme il est beau gosse et tout. Hein, hein, tu le kiffes? Moi? Un peu, quand même. Mais pas du tout, c'est pas le problème. Okay. Donc là, tu veux plus du tout lui parler, plus du tout avoir affaire à lui, et puis basta, non, quoi. Non, non, plus rien. Plus. Bon, bah, on va te le passer en antenne. Parce qu'il t'a forcément fait souffrir, il y a forcément eu un truc qui fait que tu t'es dit, bon, bah, je me débarrasse de lui parce qu'il m'apporte du négatif. Donc c'est que t'as eu mal, et c'est que t'as ressenti un truc pour lui, quoi. C'est sûr. Non. Eh oui, t'as été un peu jalouse. Non, ok. Je bon, allez, stop. Il avait pas qu'à ouvrir les yeux avant, il ouais, et arrête elle de. Trop de filles. Ah, non, mais bien sûr, Cassandre, elle est totalement amoureuse de Sam. Ouais, ça se voit. Hein? Hein, Cassandre? Dis la vérité. Dors plus de la nuit, là. Hein, tous les soirs. Tous les soirs, tu penses à lui. Et tu vas regarder son Instagram et tout. Hein? Tac, tac, tac. Tu vois, c'est quoi cette nouvelle photo? Snapchat, il est avec qui ce soir? Tu sais, elle a utilisé le troisième filtre aujourd'hui. Non, non. Hein? Et t'aimes pas qu'il parle à une fille, et t'aimes pas qu'il parle à telle fille. Voilà. Hein? Et c'est qui cette pouffe qui est à côté de lui sur la photo? Je m'en fous en fait, il fait ce qu'il veut, je m'en fous en fait. Oh la jalouse! Oh la jalouse! Elle est jalouse! Eh ben, il fait ce qu'il veut, et lui, il a envie de t'avoir en tant que pote. Voilà. Oh, j'avais pas du tout aimé comment elle avait réagi, franchement. C'était pas évident pour toi, Sam, hein, j'imagine, après cet appel. Ouais, c'est vrai que c'était compliqué, mais bon. Ah, surtout ta meilleure amie, quoi, tu vois, tu sens qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe entre vous, quoi. Bah ouais, c'est ça, et à la limite même, elle m'aurait dit, parce qu'elle m'a rien dit, en fait. C'est-à-dire que du jour au lendemain, comme ça, sans aucune raison, j'ai rien compris, quoi. Il s'est passé quoi après cet appel? Après cet appel, moi, j'ai reçu un message d'un mec qui m'a dit clairement, arrête de parler avec Cassandre. Moi, je lui ai répondu, je lui ai dit, mais t'es qui, en fait? Pourquoi tu me dis ça, tu vois? Et il m'a dit, je te parle gentiment, donc commence pas à me chauffer, sinon je vais venir, je vais te défoncer. J'ai dit, mais tu crois que j'ai peur? Ah, voilà. Et donc, suite à ça, elle m'a envoyé un message, et elle m'a dit clairement, elle m'a dit, ça, il n'y aura plus rien entre toi et moi, plus jamais rien, c'est vraiment mort et tout. Je lui ai dit, bah écoute, tant pis. Et du coup, bah, c'est pour ça que je voulais vous remercier quand même, parce que ça m'a ouvert les yeux dans le sens où est-ce que je me dis, au moins je vais tourner la page et que voilà, clairement c'est basta, quoi. Je suis jeune, ouais. Et voilà, il y en a d'autres des gonzesses. Hein. C'est déjà ça. Après, c'est vrai qu'elle a dit des choses aussi, comme quoi tu lui aurais menti, qu'il y avait des choses qui se sont accumulées, voilà. Bon. Enfin mais bon là. Vous savez c'est quoi? Ouais. Vous savez c'est quoi les mensonges? C'est quoi? C'est quoi? C'est je mixe. Je suis tranquille, je suis en train de faire mon set. T'as des gonzesses qui viennent. Forcément, vous connaissez qui vous déposent des verres derrière les platines là. Et toi, tu te retrouves là comme un con. Ah ouais, mais j'ai une gonzesse ou enfin voilà. Et sauf qu'il y a des snaps en fait, je prends des snaps et puis forcément elle a vu et puis voilà, et puis elle m'a demandé c'était qui. Et moi, vu que je suis intelligent, j'ai dit que c'était des copains. Sauf qu'elle avait des copines, il y a une copine elle qui bosse dans la boîte. Donc c'est génial. Comme je suis intelligent. Bah tu vois, t'es pas si intelligent que ça. Faut jamais commencer une phrase par comme je suis intelligent. Hein, ça c'est un principe de base. Et parce que je suis le meilleur. C'est ça. Non mais Sam le DJ. Mentir, voilà. Bah mais voilà. Tout le temps, c'est plus simple. Écoute, peut-être que ça va prendre un petit peu de temps pour vous rabibocher. Hein, mais ouais, Sam, ouais. Pour l'instant, laisse un peu tomber, quoi. J'ai l'impression que voilà. Ah bah falloir... là. Et puis. Ce mec là qui t'appelle et tout, il est louche celui-là. Ah, je sais pas, il veut quoi lui, hein, mais. Je lui ai dit, tu veux quoi, tête de bite? Il m'a même pas répondu. Tu lui as dit quoi? Un peu trop. Je lui ai dit, tu veux quoi, tête de bite? Il m'a même pas répondu. D'accord, Sam, mais tu sais quoi, reste tranquille. Lui, ouais, il restera tranquille aussi. Il t'a pas répondu, mais peut-être que demain il va te défoncer. Ouais, c'est ça, ouais. C'est clair, peut-être, mais bon. Bah, ça vaut pas le coup. Écoute, Sam, j'ai l'impression que t'es pas si triste que ça, hein. Bah en fait, grâce à vous, clairement, je me suis dit, bon, vas-y, c'est pas une vie pour toi, et puis il y en a d'autres, quoi, en fait. Oui, mais c'est. Non, mais ça, qu'il y en ait d'autres, il n'y a pas de problème, mais c'était ta meilleure amie, tu vois, donc c'est toujours un peu chiant. J'ai pas l'impression, là, que. Il y avait plus, quoi, forcément. Ouais, voilà. Même de son côté à elle, elle a été jalouse, elle a pas kiffé qu'il parle à des filles, elle a été déçue parce qu'il a mitonné. Mais c'est que forcément, elle tenait à toi, elle s'attendait à plus, elle aurait aimé que t'agisses différemment. Tu l'as pas fait, voilà, elle est un peu catégorique, elle passe à autre chose. Bah, tant pis, hein, maintenant. Mais moi, elle me l'a pas dit. Le problème, c'est qu'elle me disait pas quand elle, était mais pas. Mais c'est une fille, putain. Nous, on en a marre de vous dire les choses, tu vois. Ce que je veux dire. Ce qui nous fait kiffer, c'est que le mec le fasse naturellement et pas qu'on lui dise fais-le, oh bah super, il a fait ça, bah c'est normal, tu lui as dit de le faire. Tu vois, c'est la satisfaction de pas avoir besoin de lui dire bah fais attention, t'es intéressé à moi, parle pas à d'autres filles, drague pas d'autres meufs parce qu'on est en mode un peu pré-couple, quoi. Vous étiez en train de vous rapprocher. Alors, en même temps. Bête, ouais, Doc. Ouais, en même temps, elle parlait pas beaucoup, hein. Il fallait tout lui tirer les verres du nez, poser des questions, etc., etc. Elle a pas l'air d'être une grande communicante. Non, non, écoute, on en est là et voilà, c'est pas plus mal chose. Pour le coup. Sam, passe de bonnes fêtes de fin d'année. Team 24 ou Team 25? Team 24 et 25, allez. Allez, d'accord. Allez. Ah, ça, c'est avec mamie l'après-midi. Ouais. En fait, je vous explique, en fait, genre, j'ai mes deux chiens, c'est des mâles. Et il y en a un qui est en train de sucer la queue à l'autre, donc je me pose des questions, quoi. Oula. Oui, question à la con. On est sur une question veto, là. Non, c'est vraiment sérieux. Alors, Doc, il est médecin sexologue, il n'est pas encore vétérinaire. Hein, je ne ceci te cache étant pas. Dit, oui, ça existe dans la nature et chez les animaux et chez les chiens particulièrement. Eh ben voilà, Doc est vétérinaire, on vient l'apprendre à l'instant. Mais c'est parlé quand même, c'est louche. Ouais, carrément. Salut mon Sam. Bah, salut. Hein. Allez, faut partir maintenant. Au revoir. Tété est avec nous, c'est la question à la con. La question à la con de Love in Fun sur Fun Radio. On termine avec un angevin, nous sommes dans le Maine-et-Loire dans le 49 et c'est Tété qui est avec nous. Bonsoir Tété. Salut, salut. Salut, salut Tété. Alors, tu avais une question à la con ce soir, nous t'écoutons Tété. Alors, je voulais savoir si pour une femme, boire de l'eau contribuait à mouiller plus ou pas. Ça c'est j'aime bien c'est t'es fatigué Tété hein. Quoi? Ouais, parce que j'ai eu l'impression que c'était dur de lire la phrase. Non, t'es tellement fatigué que là tu m'as mis un coup de fatigue, quoi. Mec, il parle, t'as envie de bailler, quoi. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que le mec a parlé en baillant. Vas-y, tu m'as mis une barre dans le crâne. Ouais, non, bah alors, Doc, alors, je me souviens plus de la question. C'est ta question. Est-ce que si on boit plus, on mouille plus? Ah. Oui, mathématiquement, oui, bien sûr. Si tu bois pas du tout, par exemple, tu vas te déshydrater et il y a plus de chances que la femme soit moins excitée, mouille moins, etc. Non. Ah bah oui, bien sûr, c'est de la déshydratation. Ça participe. Il faut quand même qu'il y ait du liquide. On est 70% de liquide. Donc là, t'es en train de dire que toutes les femmes qui ont des problèmes pour mouiller doivent boire un litre de Volvic. Et si tu bois du coca, tu mouilles du coca. Alors, Doc. Mais non, ça participe à l'hydratation générale. Ah. Mais il faut bien s'hydrater de toute façon. Si t'es déshydraté, évidemment, c'est normal ce que dit Doc. Si t'es déshydraté, tu peux pas te mouiller, tu peux même pas pisser, quoi. Voilà, Méloche. Méloche au standard, elle arrête pas de picoler là. Je me prépare pour ma soirée avec Cassim. Ah bah voilà. Au secours. Que Méloche veut coucher avec Cassim. Alors, t'as raison, pisse dessus, Méloche. Non, mais calmez-vous. Et quand je dis que Méloche picole, c'est de l'eau. Hein, bien évidemment, car l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération, je dis c'est bien Sam, celui qui vous ramène en vie. Manger, bouger. 5 fruits et légumes par jour. Pas trop gras, pas trop sucré, pas trop salé. Ah, c'est ça. Et on va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup pour cette soirée. On se retrouve dès demain sur Fun Radio. Car oui, nous serons là une nouvelle fois dès demain. Et oui, 22h minuit, on sera mercredi. Ouais. Ah, on va être mercredi là parce que je sais qu'Adrien Thomas il tient. Attention, nous allons fêter. Mercredi vient d'arriver. Bonjour, mercredi 19 décembre. Bienvenue. Ah, déjà. Que tu nous réserves une belle journée. Une belle journée commence sur Fun Radio. Debout la France. Voici Adrien Thomas. C'est vrai, pourquoi on fait pas le morning à minuit? Mais bien sûr, mais on y va. Merci de vous réveiller avec nous. Il est minuit. On se réveille avec Adrien pour un mix. Qu'est-ce qui va se passer ce soir, Adrien? Party là, fun. On est original. Voilà. Party fun. Patrick Fun aussi. Patrick Fun. Je voulais dire Patrick Fiori, mais c'est un invité surprise. Le remix. Le nouveau Kino Silva, le nouveau Jackson Jones. Oh là là. Et puis le nouveau Black Coffee que j'adore, qui est très son de minuit, début de journée ou fin de journée. D'accord. Et bah, que du lourd. Jusqu'à 1h du matin, vous passez ce début de journée avec Adrien Thomas au platine de Party Fun. Et nous, on se dit rendez-vous demain sur Fun Radio 22h. Ciao tout le monde. Rendez-vous ce soir. Open your eyes for a new reality.